un jour nouveau qui se lèvera bientôt. Nos couleurs de peau, comme nos idéaux, seront pour nos enfants les plus beaux cadeaux. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, vous êtes prêts? Ça y est, on est là, bonjour. Bienvenue sur Énergie. Je m'appelle Coé, il y a toute l'équipe qui est ici, il y a tout le monde. Il y aura dans quelques minutes The Chainsmokers, c'est là en temps. Il y aura Alex Ayono, je ne sais même pas comment ça se dit, mais il y aura Alex Ayono. Il y aura Black M, il y aura Martin Garrix qui sera notre invité dans quelques jours. Martin Garrix, c'est ça, on en est super fiers. C'est bon quand même, Martin Garrix ici. Je sais que vous êtes nombreux à vous battre pour Lady Gaga, hein. Vous avez envie. La boîte mail, elle est blindée. Vous pourrez me mettre d'autres morceaux, les gars, que Poker Face, parce qu'elle en a fait un peu d'autres quand même. Ouais, depuis. Ouais, deux, trois, ouais. Juste deux, trois, mais bon. Elle sera notre invitée ici. Et tout à l'heure, vous allez kiffer, c'est Kongs, notre invité. J'adore ce morceau. Il est français, il sera là tout à l'heure. Et on va y dire avec le chanteur, celui qui fait ça. I'm picking a boat. MHD va venir dans quelques jours. Là aussi, je connais pas les paroles au début. Juste pour vous dire que ce soir, dès que l'émission est terminée, on fait un after de chez moi. Ouais. Ça veut dire qu'on prend. Ah oui, tout le monde en scooter et on est quoi? On dit 22h30 pour faire un contrôle. Oui, bien sûr, ouais. 22h30, on sera chez moi. Alors, je vous explique comment ça va se passer. En gros, à la louche, on va faire un truc, on va déclencher le YouTube Live. Ça va se passer sur YouTube. Ouais. On va le déclencher de chez moi. Là, il y aura un lien. Si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, vous recevez le lien. Sinon, les autres, on vous le dira sur Facebook. Et là, tac, vous vous connectez et vous nous verrez tout de chez moi. Et il y aura des défis, je vous expliquerai ça dans un instant. D'accord. On fera un truc. Oui, Laurie, s'arrête de lever la main. Putain, c'est insupportable. Oui, mais c'est important, il est ce qu'il a dit. Un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Hashtag, on est déjà entêté. Hashtag mercredi chez Coco. Il va être entêté d'ici 2 minutes, donc mettez-le entêté, s'il vous plaît. Comment il a bien fait de prendre la parole. Excusez-moi, comment il a la confiance? Excusez-moi, je donne un hashtag, mais il est déjà entêté. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas lancé, il est déjà entêté. Je pense que s'il l'est pas, t'as l'air d'un con. Il va l'être. Hashtag mercredi chez Coco. Exactement. Ok, faites-moi tourner ça le mercredi chez Coco et on verra si vous êtes bon. Julie, va bien? Oui, très bien, merci. Bon, Piat, comment ça va? Ouais, nickel. Il est marrant ton t-shirt, j'aime bien. Il est marrant. Moi, je me dis, un peu mytho. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Vas-y, balance pour qu'on le voit pas. Lis-le parce que je m'en souviens plus exactement. Je sors avec Rihanna. Elle est chère à entretenir. Aidez-moi 1€, s'il vous plaît. Je trouve ça assez drôle. Guéguette, comment ça va? Ça va, je suis balade. Mais j'ai ma boîte de mouchoirs à côté de moi. Ça y est, là, il le rhume. Ah, bah, Guéguette, septembre, ça y est, le rhume commence jusqu'à juin prochain. C'est 5 mois dans l'année. Toi, t'es une toute petite nature comme j'ai jamais vu. C'est clair. Et on parle pas de ton baltrou. Non. Ah, bah, non. Le baltrou, il est quand ça renifle pas d'en haut, ça renifle d'en bas. Ah. Les filles, Mika, je te mets avec les filles. Hein. Stouf, Mika, vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me faites des Parce que le micro n'était pas allumé. Et après, tu cries. Tiens, excusez-moi, je prends un mec à ma gauche qui est censé appuyer sur les boutons. Vous lui faites des gestes depuis tout à l'heure. Bah, je vais le défoncer. Moi, je gère toute cette partie-là, il gère toute cette partie-là. D'accord, vous verrez la vidéo demain qu'on va vous mettre en ligne avec la Société Générale parce qu'on vous offre une box de ouf. Vous choisissez vos cadeaux. C'est Brieux qui a gagné en fait. Box All Inclusive Brieux, qui est prénom tout pourri. Brieux, on peut le dire maintenant, tout pourri ce prénom. Non. Oh, arrête. Chevalier Brieux, où êtes-vous? À la caverne, je t'emmerde. Bon, donc en tout cas, il a gagné une grosse box. Il a gagné un truc de ouf et vous verrez que Mika lui a amené chez lui à la maison. On vous met la vidéo demain. C'est ça. Et en parlant de vidéo, si vous êtes fan de Shawn Mendes, c'est la rencontre et le FaceTime et tout avec Shawn Mendes. On la met sur la chaîne YouTube, là. Aussi, ouais. Et Maître Gims en Ferrari, les gars. Jamy, excusez-moi. Maître Gims. sur la petite Ferrari électrique. Ouais. Si vous n'avez jamais vu Maître Gims sur une Ferrari électrique qui traverse tout le garage à 1 km/h, poussée par Loris parce que les batteries elles ont pas tenu. Non, c'est surtout qu'en plus il était un peu lourd pour c'est une voiture d'enfant. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les batteries, il a appuyé dessus, ça fait. Ouais, c'est ça. Mais allez voir ça, vous allez vous pisser dessus. On l'a refait tourner. Tu la mets sur le Facebook. Ouais. Allez sur notre Facebook et vous verrez tout ça. On vous la refait tourner. C'est un vrai kiff. On fait quoi, Julie, ce soir? Ah ben on va avoir du devine qui c'est. On va avoir la maman, la mère, c'est la plus cool. Non, ça j'adore. Ma mère, c'est la plus cool. La plus cool. La baston des mamans, j'aime beaucoup. On aura peut-être un qui veut épouser, peut-être. Un membre de l'équipe. Il y aura le défi Insta. Il y aura du super jeu. Je vous offrirai la possibilité de venir avec nous au parc Astérix. Aussi. Tout frais payé, transport, hébergement, la totale pour une émission qu'on fera le 19 octobre où tout le monde devra flipper parce qu'on se rapproche d'Halloween à ce moment-là. Ouais. Donc on fera ça. Sur le parc. Et puis cette mauvaise nouvelle, donc Brad Pitt et Angelina. Ah et là, toute la journée. Et là, j'attends à ce que tout le monde dans le public fasse. Attention, Brad Pitt. Attendez, j'ai pas fini. Brad Pitt et Angelina divorcent. Vous pouvez faire mieux. Bien fait. Brad Pitt et Angelina divorcent. Non, il y en a un qui a fait. Non, c'est pas. Non, tu la récupéreras pas, mec. On sait pas pourquoi. Il paraît qu'il y a des rumeurs de drogue et d'alcool. Ouais, comme quoi Brad il picole et. Ah bon ouais. Moi j'ai vu, il a une tête d'alcool. Ouais. Ah, oh, mais non. Et il fume de la quiche. Il paraît qu'il fume un peu de bœuf et tout. Il y a aussi des filles. Et il paraît qu'ils sont des filles payantes. Ah, en même temps, excusez-moi, Angelina Jolie, je pense que. Plus envie, là, attends, tu lui donnes un coup de rein, elle se démonte, c'est pas une patate, quoi. Elle est mince, ouais. Elle est pas mince, elle est anorexique. Oui. Attends, tu manges un chicken nugget, tu suis tout le parcours du nugget. S'il descend, tu le vois là. Après, elle a une boule, elle fait trop manger, chicken nugget, trop manger. Mais non, mais c'est un pigeon, cette meuf, elle mange que des graines. Ouais, c'est sans déconner, elle pèse 3 grammes. Autant, elle a été très très bonne, autant. Moi, je pense qu'un jour, il l'a démontée, il a pas pu la remonter dans l'ordre, il a dit j'arrête trop de risques. donnez-moi de la bœuf. Je pense qu'on va il a craqué. T'en as qui sont contents qu'ils divorcent parce que t'as deux clans aux États-Unis. T'as ceux qui sont pro-Angelina et pro-Jennifer Aniston. Et du coup, t'en as plein qui sont contents comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu, Jennifer Aniston. Elle a fait un truc drôle. Ouais, après, je sais pas, il y a plein de parodies dérivées. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, là où est le problème, parce que je rappelle que leur fortune personnelle est estimée à 400 millions de dollars. Ah oui, t'imagines le divorce là? Ça en fait encore 200 millions chacun. Je veux dire, si tu vis, hein, tu vis. Ah ouais, t'es tranquille, t'es à l'aise, ouais. Et là où c'est la merde. Oui. C'est la garde des 163 gamins. Parce que je rappelle que vous allez dans un pays, vous ramenez une carte postale, ils ramènent un gosse. C'est vrai. Donc il y a un moment donné, va falloir les placer. Ça va être le mec qui va faire le calendrier de la garde des gosses. Ça va être souris, toi, rigole, bordel. T'es là, t'es à côté de moi, tu ris pas, souris. Peut-être que je vais te massacrer, t'es à côté de moi, je vais te taper. Hein. C'est-à-dire, C'est toi qui vas prendre pour tout. Ah, c'est toi qui vas prendre. Bon, en tout cas, bienvenue dans l'émission, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Koé, voici The Chainsmokers. Dans un instant, il y aura Alex Ayoyo dans le coach, je sais pas comment ça se prononce. Mais il a qu'à changer de nom et je prononcerai son nom tout comme il faut. Et bientôt Lady Gaga et Robbie Williams, ça va être une vraie tuerie. Et puis dans 2 minutes au téléphone, Florian. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. So Ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Ah ouais, c'est moi qui n'ai pas appuyé sur mon micro. Tous les soirs, c'est là que ça se passe. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je m'appelle Koé. Il y a toute l'équipe qui est là. Hashtag mercredi chez Coco. On avait dit que vous deviez nous le mettre en TT. On fait l'émission en live sur YouTube. Oui. On l'a fait à 22h30 de pile, le de chez moi. On va pas faire trop longtemps pour ceux qui doivent aller se coucher tôt. On va dire 22h30, 23h. On a prévu toute la nuit, nous, là. Hein. Oui, bon. Quoi? On a prévu quoi? Bah, pas faire trop tard. On va on dort pas chez bien. Toi on verra bien. Oui, Loris. Bah, nous sommes en TT. Ben, ah, mais à chaque fois que je les vois pas, t'étais hier, je suis désolé. Monte tes tétés. Monte tes tétés. Je te montre ton tété. C'est pourri, 18ème position. Bah, on l'a lancé il y a 2 minutes. Pourri. À la satisfaction. Après, c'est toi. Oh là là, pourri. Il y a du champagne, il y a plus rien. Juste en râlant, c'est passé à la 16ème position. Oh là, pourri. Alan Walker sera là dans quelques jours. Pas pourri. Il y a Kenji qui va revenir nous voir. J'adore Kenji. Ça fait longtemps que tu n'as pas venu nous voir. Florian, est-ce que t'aimes bien Kenji? Moyen, on va dire. Merde. Moyen, on va dire. T'es ouf, toi. Les Kenjets, elles vont te défoncer la tête. Hein. Est-ce que t'aimes bien Pitbull? Pitbull, ouais. Ah ouais. Eh bah, tu vas être content, il va venir. Ah, ça m'a fait peur. Le mec aime rien. Non, ça non plus, non. Non, lui, non, je ne l'aime pas non plus. Tu nous as envoyé un message. Il est où le mail de Florian? Il est où? Il est là. Florian, tu habites où? Gaillan, c'est près de Bordeaux. Bordeaux, je vais venir vous voir bientôt. On va se faire un one man là-bas. Il a un petit coup de gueule, je crois. Je vais venir mixer à la plage tout début octobre et on va se faire un one man dans la foulée. Ça va être un kiff. Bonjour l'équipe. J'ai vu lors de votre dernière soirée chez Koé, vous avez fait un live. Un détail non des moindres m'avait intrigué. Comment des personnes qui ont de l'influence comme vous peuvent encore manger des saucisses ou autres charcuteries venant des grandes surfaces? Étant moi-même charcutier. Je voudrais vous offrir la viande. Ah, c'est vrai. Mais de, moi, quel, je suis le boucher aussi. De quel truc tu parles? On avait fait, on avait fait avec Ritza. Florian, c'est ça? C'est le truc que j'ai avec Ritza? C'est ça. C'est ça? Ouais, mais c'est parce que c'est oui, Coco, oui. Il voulait pas payer plus. Bah oui. On a été chez Lidl. Attendez les mecs, excusez-moi, vous êtes sérieux? Mais d'habitude, tu vas chez le boucher, c'est la seule fois où tu es allé. Non, attendez. Oh, c'est Jeff qui avait été faire les courses. On va revenir sur Terre. Je fais un barbecue pour moi et des potes. Excusez-moi, on est 4-5, je vais chez le boucher. Ouais. On était genre 25, excusez-moi d'aller au supermarché. Ouais, c'est vrai. Pardon, et à un moment donné, j'aime bien tout le monde, je vais pas m'en taper pour 600 euros de barbecue non plus. C'est parce qu'à un moment donné, vous êtes là, vous bouffez, vous buvez, vous n'avez pas vu combien ça coûtait. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bah, ça coûte c'est un bras. C'est d'inviter les potes. Mais non, mais c'est pas ça. Oui, mais ça arrive pas souvent. Mais en tout cas, c'est vrai que le mot invité, tu le dis, mais oui, bah, tu m'as jamais invité alors. Tu en 7 ans. Je t'ai jamais invité. Une pince. Tu viens jamais. Une pince. T'es un Auvergnat à côté de toi, c'est un record. T'es une pince. Je suis venu chez moi, je t'ai fait des tartes et tout ça. Tu m'as vanné en me disant, ouais, des tartes machin. C'est parce que tu fais une tarte de merde, t'appelles ça invité. Invité restaurant. Carte bleue. Combien je dois? Tiens, c'est moi. C'est cette phrase. J'étais déjà invité à dîner, t'as la mémoire courte. Pas souvent, effectivement, mais je l'ai déjà fait. Quand? Je veux des alors, chiffres. 19h13. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. On y va. Eh bah, justement, bah, vas-y. Mais je t'ai déjà invité. Tu sais quoi? Je t'autorise à remonter jusqu'en 2012. Vas-y. Quand? Je sais plus. Et t'as pas l'impression d'être une pince. Retourne-toi vers le public. T'as non, pas l'impression. Parce que j'ai déjà invité les gens de l'équipe. Hey, mais t'es jamais là, toi. M'en fous, je parle de moi. Quand t'es jamais là, toi. Ah, mais quand? Parce que chaque fois qu'on a mangé ensemble, c'est moi qui paye. Donc la fois où tu m'as invité, quand? Et c'est normal que ce soit l'homme qui invite. Eh, hey, je suis pas un rendez-vous mythique. T'as vu ma tête, moi, ou quoi? Je suis pas là pour te draguer. Je... Donc, c'est mon patron, c'est normal. Je redis. T'invite. Quand? Les patrons invitent. Quand? Je sais plus. Ok, pas, hashtag Julie est une pince. Vous m'admettez celui-là ou pas? Cantine. Non, je crois que c'était en franc encore. Eh, hey, je t'ai fait 1000 cantines. À chaque fois que tu as mangé à la cantine, je t'invite. Cantine. 2,22€. T'es à l'aise? Non, 8,75€ quand c'est pas du franc. Je te les rembourse tout de suite. Attends, ça me gêne. Hashtag Julie est une grosse pince. C'est on le met. Vous me faites tourner les deux. Hashtag mercredi chez Coco et hashtag Julie est une grosse pince. Vous arrivez à mettre les deux en TT, vous êtes des champions du monde. C'est pas vrai. Hashtag Julie, t'es une grosse pince. J'ai dit que je t'invitais dans un restaurant en plus avant les vacances. C'est vrai ou pas? Alors les vacances 2015. C'est il y a 2 ans, ton resto il a fermé pour travaux et pour hygiène. Depuis je sais pas combien de temps. Bon, en attendant, excuse-moi Florian. Donc tout ça pour dire que t'as été choqué qu'on prenne de la bouffe de supermarché. Bah, je suis désolé, de la bonne bouffe dans les supermarchés. Non, oui, non. Pas au niveau de la viande, c'est dégueulasse. Le rayon charcuterie des supermarchés, ils ont fait des efforts maintenant. Il a raison, il y a des rayons boucherie maintenant. Dans les rigoler, c'est des fausses boucheries, arrêtez vos conneries. Non, mais là, on a acheté sous vide, c'était pas la boucherie. Ouais. Mais de toute façon, c'est la même chose. Ce que t'as sous vide, en fait, et dans la boucherie, c'est les mêmes produits. Mais enfin, dans vous exagérez. Attendez, non, je suis désolé, c'est de la merde. Vous exagérez, il y a des supermarchés qui ont un rayon boucherie super. Vous êtes fous ou quoi? Quand oui, t'as la boucherie à part. Mais quand la plupart du temps t'as les mecs qui sont déguisés avec des trucs de boucher. Et devant t'as les trucs. Et c'est exactement la même chose sous vide. Mais non. Et globalement tout ce qui est viande bovine dans les grandes surfaces, c'est de la merde sans nous. Mais non. Bah si, moi je te le dis. Non, t'as des vrais bouchers, je suis d'accord. T'as des gammes de supermarchés. T'as plein de gens qui nous écoutent, ils vont au supermarché. T'en as où la bouffe, bah tu la payes 1,50€ les 72 beefsteaks. Bon, t'as compris que là il y a un problème. Ouais. Mais quand tu vois la pub sur le truc, le homard à 4,20€, bon, tu te doutes qu'il y a un truc souvent, qui va pas. Souvent ça arrive quand t'as la boucherie qui est dans le supermarché, mais un petit peu à côté. Il y a des marques de supermarché, je te jure, tu crains, c'est de la bonne qualité. J'ai toujours bouffé que de la merde en viande dans les supermarchés. Tout ce que j'ai fait dans les supermarchés. Je suis allé au Monoprix. Oui, c'est pareil. Bah non. Bah le Monoprix qui est à côté, excuse-moi, c'est pas une boucherie, arrêtez. Au Monoprix, t'as une boucherie. C'est pas juste. J'ai fait pas tous les supermarchés de France non plus, j'ai pas fait un guide. Bon, Florian, tu bosses où toi? Avec mon père. Eh ben écoute, la prochaine fois que je viens à Bordeaux. Ouais, je vais venir au mois d'octobre, à un moment donné ou novembre, on va trouver une date. Bah, tu fournis la viande, mec. Paye ta saucisse. Paye ta viande. Même. Moi j'ai un pote, on fera un barbecue. Paye ta viande. Et pas de problème, si je suis invité, y a aucun problème. On va prendre tes coordonnées. Bah, oui. Dire, moi si t'amènes la viande, qu'est-ce que tu. On se fait un barbecue sur le parking. Hein. Bah oui. Enfin, il habite Bordeaux, il va pas venir avec sa viande de Bordeaux. Alors dans un sac isotherme. Mais bien sûr que si. Bah alors. Alors viens. On Allez. Organise un barbecue, vas-y. Écoute, j'ai envie de dire. Sud-ouest. J'ai envie de dire, casse le pied. Viens avec la barbac dans le TGV, tu vas mettre un petit 3 heures. Ouais. Et on se fait un barbecue ici. Et une bouteille de pinard. Ah, oui, évidemment. Ouais. Ah, tu fais ce que tu veux pour te faire plaisir, un petit Bordeaux. Ah. Mais on fait ça. Je vais te repasser Stouff qui est déjà le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'elle se dit, qu'elle va se gaver de saucisses. C'est ça, ouais. Et pendant qu'elle sourit bêtement, Hélène. Julie est en train de réfléchir à se dire, putain, c'était quand la date où je l'ai invité à manger. Donc, on va trouver une date et on se fera le dernier barbecue avant l'automne. Je vous cherche. Ça, va à, tout... ça va à tout le monde ou pas? Allez, je te fais un gros bisou, mon copain. Ciao. Je t'embrasse. On fera le débat, dites-le nous par SMS. Moi, je pense qu'il y a des bons trucs dans les supermarchés. Ouais, il y a des bons trucs. Dis pas comme lui. Hashtag Julie est une grosse pince. Vous me faites tourner ça sur Twitter. Si, c'est vrai. Et hashtag mercredi chez Coco. Allez-y, mettez-moi les deux en TT là. Je crierai victoire, vous serez mes champions du monde. On est sur énergie, on est mercredi. Et normal, hashtag chez mercredi chez Coco. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. Not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher power's taking a hold on me. I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Power's taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting.

C'est remix avec la bouche. Et vous pouvez continuer à vous inscrire sur boxallinclusive.com. Mais il le faut, parce qu'on va encore vous offrir des trucs de malade. Ouais, il y a des tours du monde, il y a des soirées aussi illimitées grâce au code Last Dance. Et il y a plein de choses. C'est chiant. Est-ce que vous êtes au courant? Je fais le truc, hein. Désolé. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une info qui est sortie aujourd'hui qui intéresse surtout les mecs, hein. Je vais être franc avec vous. Non, c'est chiant. Votre prépuce. Prépuce. Peut sauver des vies. Ah bon? Vous savez, le petit bout de peau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un prépuce. Ouais, qu'il y a une fille, elle me regarde. C'est pas un Pokémon, un prépuce, c'est Carapuce. Oh, regarde, j'ai chopé prépuce. Oh, je n'ai pas eu le faire évoluer. Et ben, ah merde, je l'ai coupé. Et ben, c'est le petit bout de peau qui recouvre le pénis. C'est le petit truc, le petit pot qui relie la. Ouais. Ça peut être utilisé par des médecins pour faire des greffes. Ah ouais? C'est-à-dire que quand ils le coupent, ils le récupèrent. Bah, si tu veux en faire une bague déjà. Ils le récupèrent, ils peuvent le greffer et la peau ensuite se développe et ça peut devenir une greffe. Ah ouais. D'accord. T'as une greffe en peau de zizi. Ah, t'imagines, tu te fais greffer une paupière, dès qu'il y a une fille qui passe, ping, tout bleu. Tu peux plus rien faire, t'es comme ça, t'es tendu, t'as la paupière toute tendue. Tout. C'est con. Oh, ça doit être dur. Enfin, devine qui c'est, on a le temps. Ouais. Allez, on y va, devine qui c'est parti. On appelle une personne âgée, elle s'appelle Georgette. On lui dit devine qui c'est, tant qu'elle sait pas qui c'est, on insiste. Lourde. De la Georgette. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, c'est Georgette? Oui. Oui, bonjour, devine qui c'est? Qui c'est? Et si je le dis, ça marche plus. Devine qui c'est qui appelle pour faire un bisou? Mais qui c'est? Ben oui, là, ça va être long. Je reconnais pas ta voix. Ah bon? Tu reconnais non. pas? Et là? Hein? Et là? Tu reconnais? Quoi? Et là? Là, tu reconnais? Je comprends pas là, ce que tu dis. Devine qui c'est? Je sais pas. Oh, t'as pas cherché. T'as pas cherché. Attends. Oui. Attends, si tu vois, elle me dit quelque chose. Ah, quand même, ça revient. Attends. Hey, attends. C'est un Marseillais, non? Oui. C'est un Marseillais, pas vrai? Oui. Bon. C'est? Mais qui c'est? C'est pas Robert. C'est Robert! C'est Robert. Allez, culé, Robert. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Ah, bon, la santé? Ça va. Ça va, tu t'ennuies pas trop? Non, pas du tout, Je vais t'appeler pour dire bonjour. Ben voilà, oui. Et voilà, j'étais tranquillement installé, train de me séguer l'ovier, tranquille. Et là, je me suis dit, pas un petit pastille. Parle fort, hein, parce que j'entends pas bien. J'étais en train de me séguer l'ovier. Et là, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. Ah. Pour lui faire un bonjour. Savoir si ça va. Lui dire pas bien. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais? Dis-moi, j'ai fini de manger. T'as mangé quoi? J'ai mangé des macarons. Ouais. Avec de la viande. Ouais, c'est bien. Macarons avec la viande. Le dessert avec la viande, c'est pas. Oui. Tu devrais. Tu devrais essayer un tiramisu avec des pâtes, c'est bon aussi. Mais, oui. Mais oui, bon ben je te fais un bisou. Allez. On fait un bisou à son Robert. Oui. J'attends le petit bisou. Allez, au revoir, bisous. Ciao. Et où tu es? Hein? Enculé. Où est-ce que tu es? Dans ton. À la maison. À la maison. À la maison. À la maison. Oui. Ah bon? Bah pourquoi? C'est pas bien? Il faut pas? Ben non, t'es mort depuis 10 ans. Je sais pas. Je te fais un bisou. Allez, bisous. Bisous qui claque. Fais-moi un bisou qui claque. Ciao. Ouais, bon, on n'y arrivera jamais. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you- Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Sur Énergie, c'est dingue. Dingue. On aura vu Julie passer de jeune milf à vieille cougar. Dingue, hein. Dingue. Koé, 19h-22h sur Énergie. En public comme tous les soirs, venez nous voir. Koé@energie.com. Vous laissez vos messages et vous venez nous voir et vous serez les bienvenus. Tout à l'heure, c'est Kungs qui sera là. Il y a demain Amir qui va venir. Oui. Dans quelques jours, il y a King V qui va passer faire une petite tête et nous dire un petit bonjour. Robbie Williams, les filles de plus de 30 ans. Ouais, je précise, hein, parce que Robbie Williams, spécial MILF. C'est pour les... Ouais. Ah, c'est un beau gosse encore. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais bon. Surtout une nana de plus de 25 ans, 30 ans. Un peu. Alors que pour les plus jeunes, il y aura Kenji. C'est la même émission. Comment? C'est la même émission. Ouais, c'est la même émission. Wow. Dans la même émission, Kenji et Robbie Williams. Ouais. Et maman. Les mamans, ça va faire pouf. Les filles, ça va faire pouf. C'est ça. Faut faire dire Charles Aznavour pour les vieilles. C'est vrai qu'il faudrait ça. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté, à vous en tout cas. C'est le moment de faire... Ah, ça, j'aime ce moment. J'aime ce moment. Ma maman est la plus cool. On fait un bisou à Benjamin. Il a 15 ans, il habite Nancy. Ça va, Benjamin? Ça va. Ça va, t'es en forme? Comment s'appelle maman? Daniela. Ah, moi, ce que j'aime chez Daniela, celle qu'on peut... Je peux pas te faire la chanson. Non. Mais les il plus vieux... Il a dû l'entendre une fois, je pense. Hein. Les plus vieux connaissent. Bon, maman, elle est vraiment cool. Ouais, très arrête, cool. Arrête de rire. Arrête de rire. Quoi, c'est cette sa vanne. Génération. Truc de vieux. Il comprend. Bon, on va attendre. On a Vincent de l'autre côté. Vous avez le même âge. Vincent, il habite en Alsace. Vous n'êtes pas super loin. Ça va, Vincent? Salut, Koé, ça va? Ça va bien. Maman, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sylvie. D'accord. On appelle les deux. Je vais d'abord appeler Daniela. Bam. Voilà. On va dire un petit bonjour. Je rappelle que le quiz, il est important. C'est pour savoir laquelle oui. Qui des deux a la cool. Maman la plus cool. Trois ou cinq questions? Comme tu veux. Je me souviens plus combien on fait. 5, hein, je crois. Ouais, 5. Ah, excuse-nous, le jeu il est encore nouveau, on cherche. Oui, allô. Daniela, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Koé. Bonjour, Koé. Comment allez-vous, Daniela? Très bien, et vous? Mais ça va bien, Daniela. Vous êtes en forme? Ça va. Ça va bien. Je vais vous présenter une autre maman. Attention, la compète va démarrer, ça va être sanglant. Au tirage de cheveux et tout ce qui va avec. Hein. On appelle la maman de Vincent, s'appelle Sylvie. Oh. Qui c'est qui fait. Oh. Ouais. C'est Daniel. Allô? Sylvie? Oui. Bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Que tout le public dise bonjour Sylvie. 3, 4. Bonsoir Sylvie. Julie, c'était bonjour ouais, le texte. Je sais, mais on est soir, tu on ne prend suis du bonsoir. Pas. Oui, mais le public, il a suivi le bonjour. Ouais, j'avoue. Sylvie, Daniela, voici 5 questions pour savoir qui va être la maman la plus cool et qui va gagner un cadeau entre Benjamin et Vincent, les enfants respectifs. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Quelle chanson chantez-vous sous la douche, Sylvie? Je chante du Garou. Garou. Garou. Ah ouais, Garou. Garou. C'est pas Garou, c'est Garou. Garou. C'est avec plusieurs. Ah, c'est pas le même, c'est la version Leader Price. Garou. D'accord, ok, très bien. Quelle chanson de Garou? Pas de Garou. Sous le vent. Ah, c'est sous avec le vent. Avec Céline Dion. Voilà. Mais sous le vent, c'est. Ah, c'est ça? Avec Céline Dion. Ah, d'accord. Si quelle crois. Chanson, Daniela, vous chantez? Moi, c'est Andalouse de Kenji Girac. Ah, bah, le point va à Daniela. Hein. Un petit point, vous notez dans votre coin. Ouais. Quel est le dernier cadeau que vous avez fait à votre enfant, Daniela? Un téléphone portable. Pas bien. Mal. Cool. Ah, ouais. Cool. Pas mal. Quelle marque? Un Wiko. Très bien. C'est bien. Très bien. C'est français. C'est Wiko. Voilà, bah, c'est un Wiko. C'est pas cher et ça marche bien, apparemment. Sylvie, qu'est-ce que vous avez offert à votre fils? Pareil, un téléphone portable. Un Wiko. Ah. Un iPhone. Ah, ou le point à Sylvie, non? Ouais, mais on peut pas. Soyez honnête. C'est qu'il y a plus de thunes. Soyez honnête. Ouais, mais c'est une histoire d'argent, là. Mais oui, peut-être. Enfin, soyez honnête. À choisir entre les deux pièces. Qu'est-ce qui est le plus cool? Une Clio. Allez, un point partout. On y va aux troisième question. Avec quel animateur télé, Sylvie, vous pourriez coucher? Bah écoutez, avec vous, hein, pourquoi pas. Allez, un point. Vous avez remarqué le. Avec vous, pourquoi pas. Vous écoutez. Bah attendez, hein, si déjà. Hein. Et le papa, il est derrière là? Non, pas du tout, il travaille. On est tranquille, on a 10 minutes devant nous. Daniela? Vous essayez vraiment de la télé? Oui. C'est pour ça que j'ai posé la question, quel est l'animateur télé? Christophe de Chavannes. D'accord. Bon, bah, le point pour celle qui couche avec moi. Bah, oui. Évidemment. C'est tout le monde. Évidemment, on gagne du temps. Votre insulte préférée en voiture, c'est quoi, Daniela? Il y a un mec, vous êtes en train de rouler, il y a un gars qui vous passe devant, queue de poisson. Pousse-toi, tête de connard. Pousse-toi, tête de connard. Espèce de connard. Espèce de connard. Très bien. Sylvie, même truc. Bah, moi, je dirais sans gêne. Ah, c'est violent. Ah ouais, non. Oh, ouais, c'est. Eh, là, faut aller doucement, là. Dis donc, sans quelle heure il est? 19h41, c'est limite pour dire sans gêne. Ça perd l'hypopèque. Non, on se croit gneugneux. Non, je vais prendre espèce de connard. Alors, on a égalité. Voici la dernière question qui va vous départager. Vous êtes prête? Vas-y. Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez un site porno? Si oui, lequel? Daniela? Non, j'en connais pas honnêtement. Je crois que le Wiko, il va falloir le rechanger, là. Il va falloir le ramener. Sylvie, okay. Tout se joue là-dessus. Sylvie, tout se joue là-dessus. Bah écoutez, non, moi pas du tout non plus. Aucun. Bon, je suis obligé de reposer une question, là. Ah ouais, là. Bon, je suis obligé de reposer une question. Il n'y a rien de porno, les enfants, il n'y a rien de sexe. Avec que des questions. C'est des mamans. Bah oui, mais enfin, c'est des mamans, elles n'ont pas 75 ans, elles profitent encore un peu. La dernière fois qu'ils ont fait l'amour. Oui. Quelle est la dernière fois que vous avez fait l'amour, Daniela? Hier soir. Oh! Benjamin, c'était ça le bruit? Benjamin, t'entends? C'était hier soir. T'as cru qu'il y avait un rat dans la cloison, c'est ça en fait? C'est ça. Sylvie, on c'était. On dort pas au même étage, donc il peut pas entendre. Oh! Vous avez crié. Sylvie, c'est quand la dernière fois? Ben ce matin. Oh! Comment elle est passée de l'heure? Au poteau! Au poteau, on est d'accord? Sylvie! Sylvie, la maman la plus cool. Ouais. Quoi? Ouais, non. Attends, attention, il y a une réclamation du juge. Qu'est-ce qu'il y a? Pas le matin, toi. Donc pourquoi? Ah, parce que c'est elle la coiffe en termes de. Bah oui, d'accord, c'est la dernière à l'avoir fait. En termes de perf, en plus. On valide, on applaudit. On applaudit. Allez. Tout le monde applaudit. Bravo, Sylvie. Vincent, c'est toi qui repars avec le cadeau. Maman, il a plus cool. Enfin, l'autre Daniela, on t'embrasse aussi. Bisous, Sylvie. Merci, Coé. Merci. Bisous, Vincent. À bientôt, tout le monde. Merci, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous Sylvie, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Sylvie, bisous. J'ai pas entendu le bisou, bisous. Bisous, bisous. Tout le monde me regarde. Le paysage, l'odeur, les gens, tout ça me charme. Ma grand-mère me dit, Alpha, t'es le bienvenu chez toi. La fille du voisin aimerait se fiancer. Faut financer. Jolie Mariam, Mariam. Je te connais comme si t'étais ma terre natale. Ce soir, je suis invité à manger chez ma tata. À genoux autour d'un plat, c'est ça ma table. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue chez moi. Partage tous le même toit. D'avoir un boulet pareil de... Hey, trop de muscu, trop de muscu. Pas assez pour le coup. Oh là là, ça y est, Guillaume, notre stagiaire, il a ramené à manger, il a tout foutu par terre. Mais tout, tous les paquets sont tombés. C'est quoi l'assiette qui s'est retournée? C'est le plat de pièvre. C'est quoi? Un croque monsieur frites salade. Oh, un croque monsieur, ça bouge pas. Là, non, il suffit juste de remettre la main en dessous. Il y a le papier d'alu, ça va. Oui, non, mais c'est pas si dramatique. Kung, ce sera notre invité tout à l'heure. Ouais. C'est pas si dramatique. Non, ils viennent d'en parler à BFM. Non, c'est pas grave. Ce sera tout à l'heure, amis, ne ratez pas, c'est demain. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait. Et puis alors, il faut absolument que je vous parle d'un truc. Ce matin, j'étais en train de zapper sur la télé. Oui. Ce matin, je zappais sur BFM Télé. Ah. Et il y avait Monsieur Le Foll, qui est notre... Attention, on va voir si le public suit. Monsieur Le Foll, c'est notre ministre de... Qui l'a dit? Bravo, bravo, c'est très bien. Bah, c'est excellent parce que vous avez été la seule. Même moi, je ne me souvenais pas. Ah, si, c'est le ministre de l'Agriculture. Donc, c'est en gros aussi celui qui est en charge de l'étiquetage de la bouffe, hein, c'est ça? Parce que vous êtes au courant bientôt. Enfin, c'est pas lui qui fait, qui étiquette toutes les, mais toutes les boîtes. Vous êtes au courant qu'il y a tout un truc où on dit oui, c'est un scandale parce qu'en fait, les produits qui sont mauvais pour la santé, ils mettraient pas les bonnes étiquettes parce qu'en fait, en gros, une pâte à tartiner. Si tu mets une étiquette rouge, ouais, tu sais très bien que plus personne n'achètera si tu as une étiquette rouge. Oui. Donc ils disent, et en fait on est en train de dire que donc, on demanderait, l'industrie demanderait que les étiquettes soient pas vraiment mises, en tout cas pas les contrôles. Et donc il était en train d'en parler. Ouais. Et écoutez bien, parce que tu l'as calé au bon truc, alors écoutez c'est bien. Bon. Voilà, c'est le ministre, c'est quand même lui qui fait l'étiquette, qui va se charger de ça. Écoutez. C'est rouge, c'est un sucre. Donc en manger de temps en temps, et en petite quantité, c'est bon. Des pâtes, vert. Protéines, c'est facile et tout ça. En manger tout le temps. Protéines, c'est pas des pâtes. Non, il n'y a pas de protéines dans les pâtes. Il n'y a pas de protéines. Non, non, c'est la viande. C'est dans la viande qu'il y a des protéines. Il n'y a pas de protéines dans les pâtes. C'est des sucres lents. Ça n'a rien à voir. Ouais, tu vas mettre les étiquettes au hasard et puis on verra bien. Remets. Il dit quand même les pâtes vertes, c'est des protéines. Bah oui, évidemment. Bah oui, c'est bon. Les, voilà. Avec lui, le pot de Nutella, ça devient 5 fruits et légumes. Hein. Ouais. C'est-à-dire que. Ah, merde. Donc je l'ai tweeté ce matin, j'ai dit non, attendez, je crois que vous avez fait une petite erreur dans les pâtes, c'est pas des protéines, c'est connu, c'est des sucres lents, des glucides, ce que vous voulez, c'est pas des protéines. Dans un instant, Julie, qu'est-ce qu'on fera? On aura la petite Priscilla. Priscilla, ouais. On fait un bisou à Priscilla, 19 ans, bonsoir Priscilla, à Biarritz. Bonsoir, ça va? T'as eu un faux départ, bonsoir. Ouais Priscilla, ça va, tout se passe bien à Biarritz? Très bien. La vie est belle? Super. Bon, de quoi on va parler dans un instant ma chérie? Ben, en fait, c'est compliqué. Je suis amoureuse d'un garçon, mais lui, il me voit pas du tout.

En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Suisse, c'est un vrai kiff que vous soyez là. Allez voir la vidéo avec Maître Gims. La vidéo, on lui offre la petite Ferrari où il part en volant de la Ferrari. Tu l'as fait tourner sur YouTube ? Allez sur la page, ouais. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez kiffer. Et en parlant de YouTube, 22h30 tout à l'heure, on se fait la suite de l'émission. On fait l'after en live de chez moi. Hashtag mercredi chez Coco. Mais du coup, il y a un défi, il y a un truc quand même. Ah, est-ce qu'il y a un défi ? Bah, faut le lancer. Ouais, attends, bouge pas. Le temps de dire qu'il y a Koum tout à l'heure. On est obligé de faire des défis ? Ouais, attends, oui, parce que c'est chez moi au passage. Moi, j'étais tranquille. On est obligé de faire des défis chez moi. Parce qu'ici, énergie, bon. Bah, j'ai une idée, il y a un truc, ça commence par chier dans les plaintes. Et ça finit par pas chez moi. Voilà. je vais rester à la porte. Je le connais bien, ce jeu. Bon, est-ce qu'on lance un défi Insta ? Bah oui. Bah. T'en as parlé au début. Bah, l'avantage, c'est que c'est filmé. Donc, pour le coup, ils pourront voir en direct les défis. Mais on peut les faire en direct filmés, ouais. Bah, alors, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, moi, je vais Ils peuvent proposer ce qu'ils veulent qu'on fasse, tous les auditeurs. Genre quoi, 10 000 likes ? Bah, 10 000 likes, on fout le bordel chez Coco. Non, à 10 000 likes pendant le truc YouTube, et ils balancent leurs idées de défi et nous on les fait. Non, mais pas, enfin, si vous mettez couper ou un bras. On choisira parmi ce qu'ils donnent. Moi, chier dans les plaintes, s'il y a que ça, je m'en fous. Mais il y a des ça trucs. Ça va revenir plusieurs fois. Mais attendez, on fait ça ? Genre, ils vont nous dicter ce qu'on doit faire et on le fait à ce moment-là. Mais quel rapport avec Insta, puisqu'ils pourront le faire tout à l'heure sur. Non, mais ils likent pour lancer le défi. Ah ! Si on a 10 000 likes, ils pourront le faire. On fait tous leurs défis. Ah! Bah oui. Oh! Il est en train de percuter là! Ah, mais c'est chez moi! C'est. Bienvenue chez moi! Ah ouais, non, mais c'est quand même. Mais c'est toi, il y a quoi? Il y a un salon, il y a quand même un mec qui vit. Il y a un lit, une chambre, et une piscine, un golf. Est-ce que ton frigo est plein? Comment? Ton frigo est plein? Oui, mais alors je suis pas sûr que tout soit. Pour leur donner un peu des idées de défi. Il y a la cave. Non! Ah merde. Non, ah non, non, je crois il que a plus de cave en fait. Non, je crois que j'ai que dalle. Non, c'est un peu, c'est un peu la dèche. Ah, tristesse. Oui, désolé. Donc, allez, on dit 8000 likes. Parce qu'on n'y arrivera pas en 2h, 10 000. Ah, ouais, c'est vrai qu'il est tard déjà. Ouais. 8000 Allez, 8000. Si on fait 8000 likes, on fera votre défi que vous nous proposerez tout à l'heure sur YouTube. Tu fais une photo ? D'accord. Ah, il faut que je fasse tout. Il faut que je fasse tout. Qu'est-ce qu'il y a, Loris ? On prend une petite photo ensemble. Mais je vous remercie. Pendant que je fais une petite photo, que je m'occupe de tout ça, on refait un gros bisou à Priscilla. Ça va, Priscilla ? Très bien. Oui, moi aussi, très bien. Vas-y, j'ai mis la photo à 8000 likes. 8000 likes, si on fera tous les défis, sinon, tant pis, on fait pas. C'est sur Insta officiel que ça se passe. Okay. Attention, elle nous a envoyé un mail, on va le lire, on va essayer de le comprendre et on prendra le temps d'en parler après. Coucou Koé. J'ai vu sur Facebook ton statut quand tu demandes si on est amoureux. Et le problème, c'est que moi, oui, je le suis. Je suis amoureuse, mais lui ne le sait pas. Et j'ai besoin de vos conseils, car dans l'histoire, il y a une fille qui est censé être ma pote qui est super méga proche de lui. Enfin, c'est la merde. Alors attends, t'es amoureuse d'un mec qui il la calcule pas, sauf qu'il y a la bonne copine qui est en mode hop là, elle se rapproche. Et elle va l'avoir avant toi. Non, mais c'est ça en fait, c'est ça le truc. Bah oui. Qui est la plus jolie entre toi et elle ? Réponds-moi franchement. Mais c'est elle. Bon, bah c'est mort. Ah, c'est horrible ce que vous dites. Ah, mais c'est vrai. Ça se trouve, elle l'intéresse pas du tout. Elle est plus proche de lui et elle est plus belle. Ouais, mais elle est peut-être plus drôle et. Sympa. Enfin, pour nous les mecs, la drôlerie, on voit ça après. On va te faire chier avec une fille belle. Julie, calme-toi, on en parle dans une minute après Charlie Pouce. Bouge pas, on aura le temps. Koé, 19h, 22h sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. C'était Coé. Coé, 19h-22h sur Énergie. C'est de tout beauté. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison et que vous êtes en forme. Ce soir, on va se passer une soirée de ouf. Dans quelques jours avec nous, il y aura Robbie Williams qui sera là. Et on a reperdu à nouveau Julie Esto. Ouais, et le même jour que Robbie Williams, Kenji. Comme ça, il y aura tout le monde, les enfants, les plus vieux, il y aura tout le monde sera là, ça va être une vraie tuerie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le syndrome de Diogène, qui est de plus en plus signalé à Paris? Le syndrome Diogène. De Diogène. Diogène. Ouais, je savais pas, moi, je savais pas que ça existait. Non. J'ai même pas de vanne à faire dessus. Non, moi, le syndrome, quelqu'un sait dans le public? C'est une maladie. Syndrome de Diogène. Eh ben, vous vous coucherez un peu moins con ce soir. Le syndrome de Diogène, c'est que c'est des personnes qui ont renoncé à l'entretien de leur logement et qui entassent depuis des années des bibelots, des détritus et des plats d'état d'objets. Ah, j'ai vu des reportages comme ça à la télé où les gens, ils ont mis des trucs de ouf. Et ben en fait, ils ne rangent plus, ils ne jettent plus, ils ne vivent plus, ils entreposent, ils stockent et ça monte jusqu'au plafond. Oh, c'est horrible. Ouais. C'est ouf. Dans les déchets. Ils vivent toi qui n'aimes pas manger après quelqu'un. Alors là, c'est impossible pour moi. Et bien, c'est, moi, je dis tout ça, tout ce bruit pour rien. C'est pas ça. C'est juste des gens qui se préparent pour le Coé range ta chambre. Ah non. Excuse-moi, c'est juste des gens qui sont là. Coro, tu viens quand? Parce que nous, on en peut plus. Hein. Je vous rappelle que le hashtag Cohérence ta chambre, on va bientôt venir chez vous. Ouais. Inscrivez-vous sur energie.fr. Vous laissez vos coordonnées. Tu vas me parler dessus tout le temps? Tu t'aides ou pas? Non, mais je savais le faire en fait. Vous allez sur energie.fr, formulaire, vous laissez vos coordonnées. C'est où? Mais non. En antenne, tu me dis, parle, dis-le. Elles en sont où tes patates douces avec lesquelles tu nous casses les couilles depuis deux jours? Elle est encore en galère. Attention, le retour de la patate douce. J'ai fait livrer mon truc, mais j'ai pas changé l'adresse. C'est l'adresse de chez moi. Du coup, le burger est arrivé chez moi, mais je sais même pas s'il est bien arrivé. Du coup, je l'ai recommandé. Tu n'as pas passé un SMS? Elle a dit au burger. Elle a dit quand t'arrives, tu m'appelles. Hein. Non, mais j'ai pas de nouvelles du livreur et j'ai pas de nouvelles de mon mari. Donc voilà. Il l'a mangé? Il a dû baiser avec le livreur. Je sais pas. Non, je crois pas. Non. On n'y pense jamais à cette éventualité. Ils sont choqués dans le public. Oh, Mais alors enfin, gay friendly, pourquoi il ne s'appelle pas le livreur? Ah, connaissez pas son mari. Chaud, très chaud. Priscilla, t'es de retour, ma belle? Oui. Bon, Priscilla, donc je rappelle la situation. Amoureuse d'un mec, mais le mec la calcule pas, mais sa meilleure amie tourne autour du mec. Pour l'instant, il se passe rien. Et problème, la meilleure amie est plus jolie qu'elle. Mm-hmm. Elle est plus jolie à quel niveau? Je sais pas. Elle est pas non plus magnifique, mais elle est un peu plus jolie que moi quand même. Plus de seins? Ouais. Bon, ouais, mais t'as peut-être mort. Plus de charme. Mort. Non, le charme est dans les seins. Ce que je comprends pas, c'est sur Facebook, on parle et tout, et en face, rien. Ah, tu lui parles quand même sur Facebook, il sait que t'existes. Ouais, mais en vrai, il t'assume pas. Ouais, mais non, mais c'est ça, en fait, on parle sur Facebook, il me dit, ouais, t'inquiète, on va parler de. Parce que je lui ai dit, pourquoi tu me parles pas face à face, pourquoi tu me parles pas au lycée? Et il m'a sorti une excuse. Genre, je suis trop fatiguée. Non, mais. Je suis trop fatiguée. Il allait pas te dire parce que pas j'ai le courage. Elle était, pas le courage, trop fatiguée. Mmh. Ouais, ah non, ouais, elle pense à ça aussi un peu, ma chérie. Ouais. C'est que, alors voilà, je vais te dire un truc qui est un peu dur, mais c'est qu'il te trouve juste super sympa, il te parle, mais que quand il est devant les copains, bah, il te trouve pas assez joli pour être avec toi. Ouais. Oh, c'est dur ce que vous dites. Si c'est un mec populaire, il faut qu'il parte qu'avec des canons. C'est dur, mais ça arrive beaucoup. Le mec, le nombre de nanas au collège ou au lycée qui se sont fait rouler des pelles par des mecs, et une fois devant les copains, ils disent non, je m'affiche pas avec toi. Ouais. Mais si, enfin, c'est arrivé plein de fois, même avec toi, c'est arrivé. Regarde, même nous, des fois, on sort du studio, on dit marche pas à côté de nous. On le dit des fois, tu le sais. Qu'est-ce que tu disais, Péripriscilla? Mais je sais pas en fait parce que c'est parce que des fois il vient s'asseoir à côté de moi en cours et tout, il rigole et tout, et puis genre on dirait qu'il est bipolaire le gars. Enfin vraiment, c'est, il a chaud, il a froid, il a non, moi je pense que quand il y a du monde, le délire, on est copains de groupe, c'est cool, mais dès que t'es en one to one, il se dit on va me boire avec. Ouais, moi, je préfère avec l'autre. Et puis même joli. Voilà, il assume pas quoi. Mais arrête de tourner autour du même mec, si te fait. Ça fait combien de temps que ça dure? Combien de temps? Depuis l'an dernier, en fait. Ah ouais, faut que tu changes. Je suis sûr qu'il y en a plein des moches dans ta classe qui attendent que ça. Mais non. Et je suis sûr que lui, il est très beau. Ouais. Vise les moches. Les moches, en parler en face à face, ça les dérangera pas, ils sont très contents. Voilà. Non, mais quand t'es amoureuse, t'as envie que le mec sorte avec toi. Enfin, Julie, si le mec a le choix. Mais arrêtez aussi, de choisir le très beau de la classe. Vous savez que le très beau, c'est comme la très belle. Ça va être un connard. Ouais. Vous le savez, puisque depuis qu'il est petit, il sait qu'il est très beau. C'est comme la très belle, c'est une connasse. Regardez la nana qui se balade dans la rue avec son truc de même, c'est comme qui marche, qui regarde personne dans les yeux parce que dans les yeux avec les chaussettes que je suis belle. Et ben c'est une connasse parce que on lui a dit depuis petit qu'elle est belle. Donc quand elle marche, elle sort de la bouche, elle est sortie et elle ne calcule personne parce que c'est une connasse. Ouais, j'avoue. Et sauf qu'à chaque fois vous tombez dedans, à chaque fois vous êtes malheureuse, mais à chaque fois vous visez le mec qui est le beau gosse qui est un con, mais et les mecs qui sont à côté qui sont moins beaux, vous leur parlez pas parce qu'ils sont moins beaux. C'est et vous avez l'excuse de façade, les filles, qui est toujours la même. Il n'y a pas que le physique dans la vie. N'empêche, c'est celui-là que vous regardez en premier. Et à chaque fois. Mais comme vous. Oui. Mais sauf que nous, on l'assume. Ouais. On dit, il y a le physique en premier. Oui, mais quand t'as 19 ans, tu regardes forcément le physique. On va pas pêcher le plus dégueulasse. Il te respectera et quand il te parlera sur le Facebook, il te parlera encore dans la vie. Sauf que là, t'es avec un gros con qui te parle sur Facebook et dès qu'il te voit devant ses potes, il te calcule plus. Ou alors c'est que tu pues de la gueule, c'est pour ça qu'il te parle sur Facebook et jamais en face. Et en plus, il te sort des excuses absolument pourries de je suis trop fatigué. Donc non, faut que tu changes, faut que tu prennes un mec qui te respecte, qui sera peut-être un peu moins beau, mais qui te respectera plus. Prends le plus beau des moches. Oui, sur une échelle, de un peu moche à très dégueulasse, prends le moche du milieu. Ouais. Si elle a envie d'avoir le plus beau, elle l'aura pas. C'est la mais plus faut jolie. Y croire, mais faut non. Y croire. Mais il sera pour sa copine. Ah oui. Connard. Moi, je suis toujours sortie avec le plus beau, et j'étais pas la plus jolie. Hein. C'est vrai. Alors, comment t'as fait? Parce que c'est un mystère. Tu viens avec de dire. Moi, à chaque fois. Moi, je suis le mec d'RMC Découverte. Je fais un reportage sur ce que tu viens de dire. Hein. Arrête. Après vendredi, les dossiers sur Adolf Hitler samedi soir. Julie n'est pas très belle et pourtant est sortie avec les plus beaux. C'est dit. Phénomène, réalité, une enquête. Rendez-vous sur RMC Découverte. Moi, je te jure, je fais un 20h30. Mais je me suis toujours tapé le petit beau gosse de la classe. Comment? Comment ils étaient attirés par moi, donc et moi aussi. J'ai toujours eu la chance. J'ai toujours voulu le mec que j'ai eu. Mais comment le mec que je voulais. Ouais. Ouais, mais elle savait pas parler déjà à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'elle envoyait derrière aussi, on la connaît. Du pâté. Peut-être. Au collège. Peut-être qu'il y avait une réputation où les mecs disaient Mais non, pas du tout. Les mecs se disaient entre eux, c'est pas la plus belle, mais on va s'amuser. C'est pas vrai, parce que la première fois que j'embrassais un garçon, j'avais avec la langue, j'avais 14 ans et demi. Et il est mort juste 14 après. Ans. Donc j'ai embrassé très tard. Ah, mais t'avais déjà couché. Non. T'as couché à quel âge? 14 ans et demi. Ah, c'était le lendemain. C'est très serré en termes de timing quand même, tout ça. J'ai roulé ma pelle en juin, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et j'ai couché 6 mois après. Ça nous fait un bon club échangiste vers quoi? 17-18, hein? On va y aller. Non, j'ai pas fait tout ça. C'est tôt quand même. Non, mais j'étais amoureuse de mon copain. À 14 ans. 14 ans et demi. Ouais, et j'étais amoureuse. Tôt. C'était sa première fois. On est restés deux ans ensemble. On était très amoureux. C'était le beau gosse de la classe. Pense un peu aux mecs qui ont fait ça à 18 ans et demi. Ok, ouais. J'en connais. Et oui, pas loin d'ici. Mais j'ai pas fait ça avec n'importe qui. C'est-à-dire que le gars s'est pas servi de moi. Il a pas couché avec moi. Il m'a jeté derrière. Non, on est restés deux ans ensemble. C'était un véritable amour, premier amour. Ouais, enfin, c'est 14 ans et demi, ça reste très tôt. Ça veut dire c'est un véritable amour. Non, mais ça reste comme très tôt. Quoi, voilà, il y a espoir. Elle peut garder espoir. Si Julie est arrivée, je vois pas pourquoi elle n'y arriverait pas. Eh bien voilà, je voudrais que tu termines sur cette phrase, Priscilla. Garde espoir. D'accord. Si Julie est arrivée, you can do it. You can do it. Okay. Quand on veut, on peut. Tu peux l'avoir. Je te fais un gros bisou, ma Priscilla. Je t'embrasse. T'embrasse tout le monde de Biarritz. Qui veut épouser un membre de l'équipe, on s'en occupe dans un instant, d'accord? Ce sera quelqu'un qui va essayer de draguer un membre de l'équipe ici. Voici Calvin Harris, c'est le nouveau, c'est sur Énergie. Hashtag mercredi chez Coco. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Septième saison de Coé sur Énergie. Coé, oui. 19h-22h sur Énergie. Hashtag mercredi chez Coco, tout à l'heure on va se faire un after. After de chez moi à 22h30, n'oubliez pas. Et je rappelle que si on arrive à 8000 likes, on fera ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, de ce que vous voulez. Maître Gims et Jules dans un instant sur Énergie. Enfin, dans la limite. Oui, mon Guéguette, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, qu'on avait déjà 2000 likes. Pas 7000, c'est pas 8000, hein? Non. Très dur, 8000, on n'y arrivera pas. Bah, non, 14 minutes, mieux, ça le fait. Comme ça, on sort tranquille. Merci Julie. Pour une fois, les mecs qui veulent pas qu'on y arrive. Ouais, non, non, on va y arriver. Non, faut pas qu'on y arrive. Allez, non, on y arrivera, non, moi, j'ai pas envie. Faut qu'on soit tranquille. 19 octobre, émission en live du Parc Astérix. On fera une émission là-bas, vous serez dans la salle et avant, vous profiterez des manèges, des attractions comme nous. Et vous serez avec nous et tout à l'heure, je vous offrirai, on va jouer avec vos peurs. Vous miserez sur les membres de l'équipe. Jusque-là, lundi, ça a été Julie. Ouais. Estouffe. Mardi, par contre, c'était Julie. Oh, pour changer, c'était Julie. Estouffe. Ouais. Ça va s'arrêter là, les gars. Donc ce soir, il y a non, on fera pas le reste. Ce soir, j'ai envie de dire suspense. Ah. On verra. On fera pas le reste. Franchement, on fera pas le reste. Non, mais c'est le hasard. Tout le monde participe. Ça va. Non, c'est bon, on a donné. Il y a un huissier qui est là qui fait le tirage. Ah oui, Maître Enfoiros qui est là-bas, c'est lui qui gère tout. Donc t'as absolument rien à craindre. Tout ça pour dire que tout à l'heure, vous aurez les transports, l'hébergement. Vous serez avec nous au Parc Astérix. Vous passerez 2 jours. Alors que nous, on en passera une soirée. Bah bravo. Toujours les mêmes. Oui. Tu vois, je passerai bien une nuit là-bas. Tu veux dormir là-bas? Bon, ça peut être sympa. Bah avec les auditeurs, ils vont gagner, c'est entre eux, entre les deux. Ouais. Si c'est un Hôtel X, ça peut être rigolo. Ouais, Hôtel X. On fait un gros bisou à Dylan. Comment ça va, Dylan? Ça va et toi? Ça va, mon Dylan. Bienvenue pour le qui veut épouser un membre de l'équipe. Dylan, tu veux appeler qui pour lui dire que tu veux sortir? Et tu sors avec qui? Je vais appeler ma copine. D'accord. Comment elle s'appelle? Mégane. Très bien, très bien. Enfin, est-ce que les prénoms Mégane, ils ont été donnés avant la sortie de la bagnole? Bah, ou j'espère. Après? Bah là, après, apparemment. Non, mais c'est vrai. Et des Clio, il doit y en avoir, non? Oui, il y en a. Il y en a eu la TPMP. Oui, il y en a eu. Je connaissais une Scénic. J'ai eu une meuf, elle s'appelait Scénic. C'est vrai? Ouais, c'était turc. Moi, j'ai connu beaucoup de gonzesses qui étaient en mode break. C'était vraiment un peu de la place. Il y avait de la place, les gars. Il y avait de la place. Mais bon, ça, Dylan, on a la photo de ta copine qui est très jolie. Merci. Ah oui, très joli. Magnifique. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? C'est la nouvelle Mégane, ça. Combien de temps? 3 ans. C'est le nouveau modèle. C'est le nouveau modèle. Je l'ai vu, il y a un changement au niveau des phares. C'est pas pareil. Tu vas dire que tu sors avec quel membre de l'équipe? Julie. Tu l'as rencontré où? Attention, prépare ton histoire, il faut que ça soit crédible. Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré en vacances et du coup, on a repris la vie ensemble et bah, je suis tombé amoureux d'elle. Ouais, non, mais il faut qu'elle a craqué. Quel âge tu as, toi? J'ai 19 ans. Bon, bah, Julie, tu vas lui dire, elle est carrément plus vieille. Mais... Ah ouais, carrément. Et voilà, il s'est passé un truc, faut lui dire que c'était chaud quoi. Ouais, dans l'avion, tu t'es fait pépon dans l'avion. Piète. Ah ouais, t'es sérieux. Mais passe pas tes fantasmes au milieu de l'émission. Je suis pas ce genre de choses moi. On va dire que tu t'es fait pépon. Garde ça quand même. Julie, c'est un gag. Je sais. Quand tu dis pépon dans l'avion, faut pas le faire. Ah mais non, mais je. C'est un sujet. Oui, je sais. Non, je veux pas pépon dans l'avion. Non, je veux pas. Je veux bien toutes les histoires du monde. Dans les toilettes, oui. Dans l'avion, non. Non, pas les toilettes. Bon, ok, mon pote, on appelle ta copine. T'es prêt? Ça marche, pas de souci. Allez, t'es parti. Ah, mais on a le temps là? Eh bah. On m'a dit que non. Ah, attention, bah alors. Attends. Lance la pub. Vous êtes sûr? Ouais, on ressort après, on aura plus de temps. Attends, je m'adresse au super technicien à côté de moi. Attendez, les gars, on fait une mêlée. On fait une mêlée de techniciens. Parce qu'il y a Olivier de Carglass qui est à la porte. Ouais, tu dis-moi. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'est-ce qui est mieux. La pluie, elle est là. Ouais. C'est la pub. On est d'accord, on lance la pub. On fait le truc après, comme ça, on aura plus le temps. Parce que si c'est de la grosse déconne, on est d'accord, on tape là, on est les meilleurs. On va tous les niquer. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? L'équipe de ouf. Bah, on est comme ça, nous. Restez avec nous. Ne bouge pas, Dylan. Dylan. Ça marche, d'accord. Et toi, arrête à chaque fois que je dis Dylan de dire Lan parce que tu sais quoi, je vais faire le tour. Ça va mal se passer. A tout de suite, Dylan. Lan, m'en fous, je fais. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash en écoutant Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. Pour place pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris et le jeu FIFA 17 sur PS4. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, hey, I'm Nash. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Gagnez votre jeu FIFA 17, l'iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ.

ça se passe. On est là, merci d'être avec nous tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Dans quelques jours, il y aura Alonso qui va venir nous voir. Et vendredi, vous l'entendez régulièrement sur Énergie, mais vous n'avez peut-être jamais vu sa tête. Vous découvrirez Evangeline. C'est comme Evangeline, mais pas français. Ouais. Chante bien. Elle est quoi? Elle est australienne, non? C'est ouais, ça, c'est ça. Eh ben, elle sera notre invitée. MHD va venir nous voir dans quelques jours. J'aime bien ça. Et demain, les Amirés, les Amirettes surtout. Amir sera notre invité. Je sais pas si on dit les Amirettes, mais... Je sais pas, comment tu dis le nous, tiens, sur les Twitter d'Amir et tout. Les fans d'Amir, c'est quoi? C'est l'Amir Family? Les Amireuses. Amir. Les Amirateurs. Les Amirateurs et les Amirateurs. Moi, je sais pas comment on dit. Mais il sera là. Et ce soir, préparez-vous, il y aura Kongs. Et tout à l'heure, on fait l'after, hashtag mercredi chez Coco. Si c'est toujours entêté, on fait l'after à la maison. Ouais. C'est toujours... Loris, t'es entêté ou t'es pas entêté? T'es toujours entêté, on va y rester. Mercredi chez Coco. Il vient. C'est une production personnelle. Il vient pas. Non. Non. Ah, mais si, il vient. J'arrive en premier. Et je donne des consignes tout à l'heure. Molo Polo, parce qu'on fait le... Molo Polo. Attendez, on fait le truc, il sera 22h30. Ah, c'est les auditeurs qui ont décidé. Hein. Moi, j'ai des voisins. Ils ont tous 95 ans. Je pense qu'ils ont toujours pas fait le rapprochement de qui j'étais. J'ai vu ton voisin tout à l'heure. Je pense qu'ils ont toujours, ils savent toujours pas qui je suis. C'est vrai? Ouais, parce que vraiment, ils sont vraiment. On a vu un de tes voisins tout à l'heure, mais il a dû mettre. Deux heures pour faire 15 mètres. Ouais, c'est ça. C'était atroce. On l'a doublé. Et d'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle, je crois qu'il est toujours pas arrivé. Mais. Il y en a un qui se gare à côté de ma bagnole, dans le parking. Je l'ai vu monter dedans. Je te jure, j'ai une goutte de sueur à chaque fois qu'il monte dans la caisse. Mais en mode, je crois que c'est lui que vous avez dû croiser. Ouais. Un papy qui met deux plombes à avancer. Oui, oui. Et quand il est au volant, il est au volant, tu sais, il monte et puis il fait. Oh là et là. Ma bagnole elle est à côté. Oh là là. Et pour l'instant ça va, mais il passe à. Eh ben si on allait réveiller le voisin, on arrive. Ah, ne faites pas ça, des personnes âgées, Julie, on verra pour toi l'année prochaine. Tu verras, ça va être dur. Oh. Faut pas s'amuser à faire ça. On revient, attention, c'est le moment important. Dylan. Dylan. Oui. On appelle ta chérie Mégane. Donc Julie, tu l'as rencontrée dans un avion, chaud patate, vous avez fait l'amour. En gros, t'es avec elle. Dis-lui que dis-lui bien que c'est une star. Hein. Attention, elle est super connue et tout machin. Et Julie, après, elle prendra le téléphone et elle sera en mode connasse. Attention. Okay. Hein. Et tu sais très bien. Comédienne de ouf. Hein. Fais pas le genre. Oh, t'as pas à te forcer beaucoup. Oh, attention, on y va. On appelle ta copine. Sois bon. A gagné, il y a quoi pour lui? Il y a un iPad mini. Allô? Allô, Mégane? Oui. Ouais, c'est moi. Ouais, je te dérange pas? Oui. Non. Non, c'est en fait, je t'appelle parce qu'il fallait que je t'avoue un truc. Parce que je vois, en ce moment, tu vois, ça va plus très bien entre nous. Et ce midi, j'ai pas osé te le dire. Bah, quand je suis parti en vacances, bah, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Et je savais pas comment te le dire, donc là, plus tard, je suis avec la personne, elle me dit, faut que je te le dise que bah, voilà, c'était pas vivable. Et c'est une fille, elle est super célèbre sur Paris. On s'est rencontrés en vacances, il s'est passé des trucs, on a fait l'amour, tout ça. Et du coup, bah, c'était pour dire que je t'avais trompé avec une fille qui s'appelle Julie. Ok. Ah. Donc voilà. Comment? Elle est vraiment, c'est une fille super célèbre, tu vois, m'a invité sur Paris et tout, faut que j'aille la rejoindre. Donc c'est pour dire que c'est fini entre nous, car de toute façon ça allait plus, quoi. Ah. Ouais, que t'as... Je croyais que t'avais pas réagir comme ça, quoi. Comment? Tu t'en fous que ça soit fini entre nous comme ça au bout de 3 ans? Allô? Quoi? Tu t'en fous que ça soit fini comme ça au bout de 3 ans dans ta réaction? Bah, toi, ça te dérange pas, donc... Bah, non, mais je sais pas, je croyais que t'allais réagir, mais enfin... Je savais pas que t'allais réagir comme ça, quoi. Par moi, je vois que tu t'en foutais de moi. Ouais. Elle travaille chez Koé, en plus. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'elle, Julie. Si, j'ai déjà entendu. Ah. Ouais, voilà, c'est elle. Elle m'a invité là pendant les vacances à aller la voir. Parce qu'on s'est croisés au Canary, on était dans le même hôtel. Ouais, y'a pas de soucis, fais ta vie, écoute. Ouais, bah. Après, je sais pas. Voilà. Il s'est passé quelque chose avec toi, avec elle. Je suis amoureux. Je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. Elle est sur Amiens. Pour ça, je suis avec elle. Ah non, en plus, tu l'as rencontrée sur Paris. De quoi ? Tu m'as trompé avec elle sur Paris. Bah non, mais en fait, tu vois, je l'ai rencontrée en vacances. Du coup, bah, on s'est rencontrés. Tu vois, c'était. Mon Didou, tu viens entendu, ou quoi ? T'es au téléphone, t'es avec ouais, qui j'arrive. Là ? Dis-lui qu'elle pèse, elle, déjà. Bah non, mais parle pas comme ça, elle a rien fait de mal. Bah, va l'argent sur Paris, je m'en fous. Elle a rien dans l'histoire. Mais non, là, elle est sur Villers, là, en ce moment. Tu fais quoi ? Elle est arrivée, là. T'es avec qui ? En plus, tu l'as présentée à tes parents. Dis-moi avec qui, t'es en déjà. Bah ouais. T'es avec l'autre pouf, là ? Ouais, attends, j'arrive. Mais tais-toi, je t'ai pas insulté de pouf, toi, tais-toi d'abord. Tu peux lui dire que c'est terminé entre vous et qu'elle te laisse tranquille, là. Viens, viens voir mon joueur. Ouais, je lui ai dit, mais attends. Oui, c'est bon, va la rejoindre, je m'en fiche. Ouais, non, mais ouais, je veux te le dire, quoi, pas non plus. Attends, passe-moi. Moi, je suis pas vulgaire avec toi, alors sois pas vulgaire avec moi. Allô ? Ouais, mais parle-moi. Allô ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Tais-toi, Didou. Qu'est-ce que tu fais encore à la télé ? Elle l'appelle pas Didou déjà. Je l'appelle comme je veux, ok ? D'accord ? C'est pas parce que toi, tu t'appelles Mégane que ça y est. Et alors ? C'est mon Didou à moi, ok ? Toi, il s'en fout maintenant. Ça y est, maintenant, je l'ai récupéré. Faites votre vie à deux. Faites votre vie à deux, je m'en fiche. Comment ça, tu t'en fiches ? C'est ton mec, tu t'en fous ? Non, c'est, bah, apparemment, c'est plus mon mec, vu qu'il t'a trompé avec toi. Bah oui, parce que moi, je suis un meilleur coup que toi. Bah sûrement. Bah, je vous souhaite d'être heureux tous les deux, alors. Et t'en as rien à foutre, en fait. Mais tu sais, moi, je vais le prendre. Bah, je vais l'utiliser. Bien sûr, ça me fait quelque chose, je m'en fiche. Et puis voilà. Attends, mais tais-toi, laisse-moi parler. Les mecs comme Didou, j'en rencontre plein. D'accord ? Je m'en tape plein comme je veux. Là, je me sers de Didou et après, je le jette dans quelques mois. Bah, donc, t'es une salope. Et tu pourras le récupérer si tu veux. Moi, j'en aurais plus rien à foutre. Bah, non. Mais là, tu vois, pour l'instant, il est à moi. Il est amoureux de moi, donc j'en profite. Et bah, s'il est amoureux de toi, tout va bien alors. Y a pas de soucis. Pas de soucis. Bah, faites votre vie tous les deux. Et puis voilà, c'est très bien. Pas de soucis. De toute façon, il se faisait chier avec toi. Il en avait rien à foutre oui, de toi. Bah oui, donc bah c'est je bon, vois ça, bah, tu peux me le laisser. Moi, je le prends, je l'utilise, je le jette. Et puis voilà, tout le monde est content. Oui, bah donc t'es une salope, c'est pas grave. Non, je suis pas une salope, j'en profite. Bah, après, tu sais, il faisait rien avec toi. Hein, donc les filles salopes, il aime ça. Hein. Oui, bah oui, apparemment. Et puis avec moi, il est bien, il sera bien loti. Je suis connue, donc je vais pouvoir lui faire rencontrer d'autres gens, des stars et tout ça. Donc je vais le mettre bien. Il aura une vie de rêve, une voiture de rêve, et puis voilà, tout ce qu'il a toujours voulu rêver. Et puis voilà, bah, du coup, faites votre vie tous les deux, puis tu pourras le jeter. Donc voilà. En plus, il en avait rien à foutre de toi. Franchement, il me parlait de toi comme de la merde. Il en avait rien à foutre. Il me disait tout le temps que t'avais un sale prénom, une prénom Mégane, c'est un prénom de voiture. Tu vois, moi, pour lui, je suis une Ferrari aujourd'hui, à côté de toi, franchement. Oui, bah, il n'y a pas de souci, Moi, je sais ce que je vaux. C'est pas grave. Julie, il y en a des tonnes de Julie. Non, il la rencontrera pas. Il y en a des tonnes. Il y en a qu'une Julie. Comme moi. Tu sais pas qui je suis, franchement. Tu sais pas qui je suis. Si, t'inquiète pas, c'est très bien ce que t'es. Enfin, elle voit apparemment, t'es une salope, vu que tu prends les mecs comme ça, puis tu les largues après. Il y a pas de souci. En tout cas, Oli, il a jamais rencontré une fille comme moi. Jamais. Je crois que je suis son meilleur coup. Donc, tu vois, il y a Bah oui, t'es son meilleur coup, bah oui. Bah oui, avec toi, au bout de 3 ans, tu vois, il se passait plus vraiment. Bah oui, je vais te lasser, bah oui, c'est pas grave, je m'en fiche. De toute façon, il n'y avait plus rien, donc c'est très bien. Plus rien ? Comment ça, plus rien ? Non, allez, très bien, faites votre vie tous les deux. Quoi, faites votre vie ? Allez coucher à droite, allez coucher à droite si vous voulez, c'est pas grave. T'en as plus rien à foutre en fait. Je peux le prendre mais en fait, si, je peux le récupérer. Chose à foutre, c'est bon. Mais c'est pas grave, je vais pas dire comme ça. Non, mais je peux le récupérer, alors je peux m'en servir. Oui, bah vas-y, c'est t'es pas sûr, grave. Hein ? Ouais, parce qu'il voudra plus de toi après. Hein. Je trouve ça mignon ce partage. Ouais. Bah, si, Mégane, ça te paraîtrait pas de faire un plan à trois, tu vois, c'est. Ah, le mec il se casse. Oui, un plan à trois. Dylan, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu t'emballes là. C'est pas le moment pour proposer ce genre de plan. Mégane ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? T'as vu comment elle appelle ta voix ? Tu lui dis bonjour. Oui, t'as vu, ouais. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Koé. Bonjour Koé. Et il sort pas vraiment avec Julie. Même si, à mon avis, il aurait bien envie. Je suis pas vraiment une salope non plus. Oh là là, c'était une vanne, mon pote. Bon, ça a pas gueulé plus que ça. On était en mode. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, on a gagné. Soit, elle a grillé le truc, soit. Mais c'est non, parce que limite, elle le il prenait se passe bien. Pas là, pour rien et. Ouais. Ça craint. Vous êtes sûr qu'il se passe vraiment je beaucoup de choses guerre, en fait. Vous êtes sûr c'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses entre vous encore ? Encore beaucoup de choses, bah ça fait. Quoi ? Non ? Ça fait quoi ? Je sais pas, en fait, j'ai pas compris, désolé. Est-ce qu'il se passe encore vraiment beaucoup de choses ? Ça me semble être facile, cette question. Oui, ouais, si, mais. Je sais pas pour. Enfin, c'est quoi, si, bien sûr que oui. C'est pas le si, c'est le mais. On va vous laisser vous mettre d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est pas fait. Pourquoi il y a un mais? Ouais, il y a eu un mais. On va vous laisser gérer le business, parce que là, on est de trop. Ouais, c'est de trop. De trop. Il était notre invité hier. Allez revoir la vidéo où on lui file la Ferrari. On l'a fait tourner sur le Facebook et sur notre chaîne YouTube. C'est qui? C'est Coco et Maître Gims. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Bébé, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le même one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est yo, yo, yo, yo. Les arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Du public de ce soir, on n'a même pas eu le temps de dire bonjour au premier rang. On y va. Mademoiselle Bonnet, quel est ton prénom? Bonjour, je m'appelle Laure. Bonjour Laure, tu viens d'où? Je viens du 93. Bienvenue Laure, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. À côté le garçon, comment il s'appelle? Bruno. Ça va Bruno? Ouais. Forme, tu viens d'où? 91. D'accord. Ah, c'est, on va se faire toute la région parisienne. Il y a Rebonnet là. Ouais, Bonnet. Bonjour, Johanna. Tu viens d'où? 93. C'est des sœurs jumelles, non? Bah, on a tout là, on a tous les trucs. Et vous êtes dans le gang des Bonnet toutes les deux alors? Et ouais, c'est ça. Jumelles, non? On est dans le gang des, on a froid la tête. Ah, très bien. Bah, on a des, à Noël, ils ont eu des bonnets. Et ils font plaisir, ils portent les bonnets. C'est vrai. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Sandra. C'est très moche comme prénom. Merci. Mais elle est très jolie. Tu fais quoi dans la vie, Sandra? Je suis étudiante. En quoi? en fac pour l'instant sciences sanitaires et sociales. Ouf, d'accord. On sent que c'est récent, hein, parce que t'es en fac pour l'instant sanitaire et sociale, mais ça me fait un peu chier, donc je vais peut-être passer à autre chose. Bientôt McDo. Ouais. Le garçon à côté. Bonjour, Ruben. C'est ta chérie ? Oui. Hey, Ruben. Hey, tu te mets bien. Hey, hein. Ruben, hey, regarde ce signe discret que je te fais. Ruben. Et ils vont bien ensemble, je trouve. C'est un beau petit couple. Ah ouais, c'est un beau petit couple. Elle est classe, Ruben. Elle est fraîche, ta copine, Ruben. Elle est fraîche. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Ah non, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bah depuis le 22 août. Donc, oh, oui, c'est encore tout récent. Vous avez coquiné déjà? Ouais. Ouais, Ruben, t'as coquiné. Ruben, t'as coquiné, c'était il y a un mois. Vous avez coquiné? Vous avez coquiné? C'est privé, c'est privé. Oh, vous avez pas coquiné? C'est prévu. Ah, si, mais là, non, c'est privé. Non, c'est... Voilà, c'est privé. Bah non, c'est fait, vous avez coquiné. Bah là, une tête d'une fille qui a coquiné. Vous avez coquiné. Elle a une tête de fille. Elle a pêché, je le vois sur sa tête. Elle a la tête de la. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ils l'ont enregistré là-haut. Ils ont dit c'est bon, elle a pêché. Elle, c'est bon, c'est mort. Sandra, elle a pêché. Ok, à côté, mademoiselle, c'est quoi le prénom? Noah. Tu sais quoi? T'aurais dû prendre le micro plus lentement encore. Ouais. Je pense qu'au passage de relais, tu perds. Les mecs, ils ont déjà fait 4 tours. Toi, t'as toujours pas pris le micro. Noah, c'est ça? Oui. Ça va? Oui. Merci, Noah. Et à côté? Ariane. Ça va, Ariane? Très bien. Tu viens d'où, Ariane? Nice. Ah bah très bien, bon, ça fait loin. Mille. Faut pas rater le dernier métro. Arrête de dire MILF, toi, ça s'entend. C'est fini, oui. T'es venue toute seule? Avec ma fille. Ah d'accord. Mets-lui de la vitamine C le matin. Faut lui faire une petite. Faut faire une petite cure là. On arrive en hiver. Ah, elle est stressée. C'est quoi qui marche là? C'est les cures de quoi là qu'on prend en hiver? Les juvamines. Ah. Les guronzan. Les guronzan. Guronzan. Tu ne donnes pas une cure de guronzan. C'est... Non. L'homéopathie. J'ai bien des trucs, là. Mais c'est pas légal. Non. Ocinocoxinone. Non, c'est pas coxinone. Coxinome. Coxinome. Mais toi, il n'y a pas un mot que tu dis normalement. J'en sais rien, je connais pas. Bonjour, je vais vous prendre une Volkswagen. Vous avez un clibab? Je vais prendre un clibab avec une sauce planche. C'est ça, ouais. T'as incroyable, oui. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Echinacea pour l'hiver, c'est parfait. Echinacea, merci docteur. Vous faites quoi dans la vie? Docteur. Ah, c'est vrai? Et ben voilà. Ouais. Alors, s'il y en a qui ont des choses à régler, il y a un docteur dans la salle. Ah, bah, Guégué, t'es malade. Ah, bah, ok, que la dame vous a dit. Monte ton cucu à la dame. Je suis pas mal de ce côté-là. C'est vrai, docteur. Vous êtes docteur généraliste? Spécialiste. En quoi? Dermato. Alors? Ah, c'est bien ça. Dermato, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est les mythos. Parce que. Non, elle a l'air. Non, parce que le petit jeune homme qui est là-bas, qui a l'air en bonne santé avec comme ça, carreau, il nous fait des problèmes hémorroïdes d'eau. Oui. Dans le dos, des hémorroïdes dans le dos. 10 fois dans l'année. Ouais. Monte ton cul à la dame. Mais c'est pas les dermatos. Hémorroïdes d'air. Non, bah, les hémorroïdes, c'est un peu. Bah, celle de l'extérieur, oui. Enfin, en gros, c'est à chaque fois. Qu'est-ce que vous arrêtez de mal manger, c'est-à-dire de la graisse, tout ça, et prendre du cuivre hors argent. Du cuivre hors argent. Eh oh, ça coûte cher. Si tu préviens, si tu me gardes ma montre, c'est les trois trucs les plus chers. L'autre, il va s'asseoir sur ma montre, on va disparaître. T'as compris que. Et ça, c'est une cure de ça, ça marche? Bah, il faut une hygiène alimentaire aussi. Ouais. Ouais. Je mange bien. Non, tu dois bouffer pas de la merde. Épicé, pas il épicé. Le fait plus, mais il mange bien maintenant. Ouais, bon, ah, c'est pour ça bien. Que j'en ai moi maintenant. Ah non. Je plaisante. Ah, ça va, on peut faire ça. Ça sentait la vérité. Ouais, hashtag Julien des hémorroïdes. Je dis ça parce que je suis en train de manger un burger, les gars. Hashtag Julien Babouin. Mais va pour hashtag Julien des hémorroïdes. Ça marche pas les hashtags avec moi, les gars. 28 ans, comment ça va? Ça va, salut Koé, salut tout le monde. Salut Koé et toute l'équipe, je vous aime tellement, tellement, je vous aime. J'ai pas pour habitude de me plaindre, mais je commence à ne plus supporter une habitude que mon homme a pris depuis un moment maintenant. À chaque fois qu'on finit de coucher ensemble, il veut toujours que j'aille me doucher avec lui. Bon, c'est sympa. Bah, c'est appelle-moi Koé, oui. Qu'on en parle. C'est sympa, au début, c'est mignon, mais là, ça fait 2 ans et... Ou peut-être parce qu'il est radin, il veut économiser l'eau, une douche pour deux. C'est peut-être une pince comme Julie. Oui, c'est peut-être une pince comme Julie. Ah oui. Oui, c'est peut-être ça. J'aime me doucher après toi. Oh non, fais-le en même temps. Ah oui. Et froid, c'est possible, c'est moins cher. Mais c'est marrant ça, mais peut-être parce qu'il a envie de te caresser sous l'eau et c'est peut-être amoureux. Et recommencer sous la douche. Bah non, même pas. C'était ça, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est son truc, c'est la routine, et là c'est. Mais entre nous, prendre une douche à deux, c'est relou. Parce que tu es obligé, il y en a qu'un qui peut se mouiller sur les deux. Du coup, il y en a qui se mouille, toi t'as froid. Il y en a un qui a froid, c'est vrai. Non, parce que tu te colles et moi je peux pas. Moi je peux pas pour une simple et bonne raison, c'est que j'adore prendre des douches fraîches. Ah ouais. Et ah ouais. À 98% vous les filles, vous adorez les douches chaudes. Ouais. Donc je ne peux pas prendre ma douche avec quelqu'un parce que quand c'est chaud, j'ai l'impression d'être comment en homard. Comment tu peux kiffer prendre une douche fraîche? Comment tu peux kiffer de prendre une douche chaude? Mais en hiver aussi. Ah, j'aime pas quand c'est chaud. Quand c'est chaud, en plus quand c'est chaud. Mais c'est toi qui as raison. Tu sors de la douche, t'as froid. Alors que quand tu la prends à température un peu fraîche, ça te raffermit un peu le corps et tu sors, t'as moins froid. Ouais, mais la douche, l'idée de la douche, c'est de kiffer sous la douche. C'était là, t'as chaud. Tu la prends en 2 minutes. Moi, je kiffe pas sous la douche. Moi, ça reste. Moi, c'est 4 minutes 50. Oh je fais l'intégralité de mon corps, je fais un peu de gel machin, ouais, hop, je rince, regel machin, je sors. Je déteste rester longtemps. Ah ouais, c'est bon, ça me saoule. Je fais jamais l'amour sous la douche du coup. Ah si, mais 4 minutes aussi j'ai... Après genre, non, mais toi qui fais du scout si, quand tu fais du scout l'hiver, t'es gelé, t'arrives et t'as juste envie, c'est de prendre une douche bien chaude, t'es bien là, ça te réchauffe et tout. 4 minutes. Je déteste rester longtemps sous la c'est douche. C'est précis, t'as eu 4 minutes. Ah mais ça me rend ouf. Rester longtemps sous l'eau, ça m'énerve. Je trouve qu'on perd du temps. On fait rien d'autre en même temps, on peut pas lire les SMS, on peut pas. Mais c'est du kiff pur la douche. Ah, alors les bains, je vous raconte même pas. Les bains, genre ça met une demi-heure à couler, c'est un coup trop chaud, un coup trop froid, un coup tu mets truc, après tu dois tourner l'eau pour qu'elle soit à même température. Ah non, bon c'est génial. Tanas du bain, t'es là, après tu ressors, t'as la peau flétrie, tu ressembles à rien. Là, puis surtout tu es dans ton bain, t'as envie de pisser. Et là tu te dis oh là là, merde. Oh tu fais quand même. Non. Ouais, mais si tu vas aux toilettes, t'es obligé de te relever, t'as froid, t'en fous partout. Ah oui, ça j'avoue, c'est galère. Après, ça glisse par terre. Moi, je rentre jamais dans les baignoires, Julie. Toi, tu rentres entier, mais nous, on rentre pas dans la baignoire en plus, c'est chaud. C'est vrai, moi, c'est. Moi, mon nouvel appart que j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai jamais pris un bain dans la baignoire. Oh là là, ah ben voilà. C'est non, super voilà. Intéressant de prendre un bain. J'allais dire, je vais me faire un bain chez toi. Tu veux? Ouais. Ouais, ah bah je te rappelle que c'est filmé. Hein. Ouais, et c'est de l'eau froide, il a dit. Non, mais je ne vois pas l'intérêt. Je l'ai jamais fait parce que c'est pas la baignoire est pas gigantesque, machin. Je suis pas bien. Douche. Ouais, douche. Moi j'aime bien les bains. Moi je prends bain et douche de toute façon. C'est bizarre ça quand même. Les deux, l'un après l'autre. Je prends le bain le soir et la douche le matin. Grosse crado quand même. Bah non. Douche, bain, en même temps, les deux. Ouais, parce que de toute façon, quand je prends un bain, je prends une douche forcément après. Parce que quand t'as baigné dans ton. Quand tu prends un bain, tu reprends une douche. Bah je prends une douche derrière. Je reste dans le bain, mais je me lève. Je suis d'accord, je tu douches à la fin de ton bain. Ouais, là, je me rince quoi. Ah ouais, bah, rien que pour ça, ça me saoule. Ah ouais, ouais, si c'est pour prendre un bain et ensuite se doucher, je ne vois pas l'intérêt. Ouais, j'en prends un par an, c'est tous les ans au NMA. Au Martinez. Je me mets trop bien. Bon, Coralie, jamais vous avez refait l'amour derrière. Sous la douche, oui, c'est déjà arrivé, mais voilà, c'est. Mais en quoi ça te gêne, genre, douche avec lui. Genre, vous avez fait l'amour dans le lit, vous reprenez la douche et vous refaites l'amour. Ouais. Dans la douche, ouais. J'y arrive pas. Ah, t'arrives pas à faire ça, toi? Déjà, refaire l'amour, déjà, c'est chiant. Ah non, bah non, c'est fait, tu vois pas. Ouais. Non, moi quand je vais au. T'as déjà vu un mec qui sort du McDo et qui rentre au quick quand il a bouffé? Non, mais tu peux faire l'amour en plusieurs fois. On est d'accord, on attend le repas d'après. Enfin, t'as jamais vu un mec qui fait la tournée des fast-food ou alors il fait 200 kilos. T'as jamais, pris l'apéro? Fais un petit quickie, machin, etc. Ça s'arrête, tu bouffes un petit bout, tu reprends derrière. Ah oui. Mais pas d'orgasme. Pas d'orgasme. S'il y a orgasme, non. Oui, pas forcément. S'il y a orgasme, non. S'il n'y a pas orgasme, oui, on fait une petite pause. Et combien de temps, sinon, s'il y a orgasme, tu obligé d'attendre combien de temps? Une bonne journée. Ah oui, carrément. Ah ouais, pour recharger la machine. Ah ouais. Moi, j'ai une batterie au lithium, faut me recharger. Moi, tu me poses dans la cave, tu me branches. Non, vraiment non. Mais ça t'arrive de faire en plusieurs fois quand même. Avec pause, ouais. Mais pas orgasme. Pas orgasme, d'accord. Il faut que ça soit une pause, genre je maîtrise mon orgasme. Tu vois, hop, un petit biscuit, un petit machin. Oui, c'est ça, très bien. Tac, et ensuite. Mais si y a orgasme, bah on attendra le lendemain. Ouais, ok. Ah, puis on... Il y a Steph qui regarde, qui fait oh. Qu'est-ce qu'il y a, Steph? Vas-y, mais exprime-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je suis en train d'analyser. Parce que toi, ton chéri, il te fait l'amour et vous recommencez tout de suite? Bah, pas tout de suite. Mais... Combien de temps après? 5 minutes. 20 minutes. Ah, bah, compte plus de minutes et puis on arrive au lendemain, c'est bon. Et ce sera moi. D'accord? Bon, je te montrerai un jour. Oui, bien sûr. Mais si, tu verras. Je te fais un bisou, Coralie. On a un problème de téléphone, là, ça boucle, c'est moche. Gros bisous. Bisous, ma chérie, je t'embrasse fort. A bientôt, porte-toi bien. Restez avec nous dans un instant. Et la machine, j'ai cassé. Et un bouton qui est resté dans ma main. Ah merde. Non. Si. Non. Restez avec nous. Ça coûte. Allez, ça y est, 2 millions. Le mec, il a touché un truc. Dans un instant, je vous inviterai à faire un tour au parc Astérix. On y sera. Vous jouez, vous misez sur la bonne personne et vous gagnez un cadeau de ouf. Transport, hébergement, hôtel, la totale. Voici Sound of Legend.

événement, c'est une émission où il y a pour les mamans et pour les enfants. C'est puisque ça. D'un côté, il y aura Kenji. Et il y aura le même jour Robbie Williams qui sera notre invité. On a le jour ou pas pour commencer à dire Oui, oui, le 6 octobre. Et on sait pour Lady Gaga le jour aussi, madame, ou pas hein. 10 octobre. 10 octobre, 10 merci. Octobre, merci, ouais. Julie. De rien. Et c'est tout, je te demanderai plus rien. Tu peux. Non, quand tu veux. C'est fini. Est-ce qu'on peut jouer ou pas maintenant? Allez. J'ai le temps ou je le fais dans un instant? Non, maintenant. Attention, c'est le moment de vous emmener faire un tour du côté du parc Astérix, puisqu'on doit aller faire un tour là-bas. Au parc Astérix pour faire une émission de ouf, c'est au mois d'octobre. Ouais. Vous serez avec nous, c'est pendant les vacances. Hein, à l'occasion de Peur sur la ville. Et vous avez peut-être le transport, l'hébergement, la totale. On fait jouer Manon, 20 ans de Vitrolles. Ça va Manon? Bonsoir. Bonsoir Manon, ça va? Quel temps il a fait à Vitrolles? Il a dû faire beau encore aujourd'hui. Très beau. Ouais, comme je sais, il fait toujours beau là-bas. Alors, tu vas jouer contre Lise, 12 ans, qui habite Coulommiers. Salut Lise. Ça va. Ça va bien? Elle est mignonne Lise. Bon, comment était la journée Lise? Très bien, ça va. T'as fait quoi? J'ai resté avec ma copine pour mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Oui. Aujourd'hui? Oui. Non, on chante pas, je vous préviens. Si, on chante. Oh non. Ouais, toi, t'as pas de cœur, mon pote, mais on chante. 3, 4. Attendez, stop. Qui c'est qui chante trop faux, Guéguette? Arrête. Tu fausses tout le monde. Tu fausses tout le monde. Qui c'est qui parle fort, là? Lise! C'est qui parle à côté? Lise. Eh ben dis-leur de fermer leur grande gueule. Parce qu'on ne s'entend plus. Je ne peux pas faire une émission avec des gens qui font. On peut pas chanter joyeux anniversaire. Oh, je chante un joyeux anniversaire et j'ai trois casse-couilles. 3, 4. Joyeux anniversaire. Stop. Hey, Julie, tu sors. Mais c'est Guéguette. Sors. C'est Guéguette. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas chanter. Les deux, vous. Non, les mais deux. C'est non, juste la petite voix. J'ai connu à peine. Prenez la porte. Fallait prendre l'air. Oh. Non, vraiment, parce que vous allez me saccager ce moment. Taisez-vous, où sont leurs micros? Où sont leurs micros? C'est là, Julie, bim. Et ça, c'est Pietre, bim. Guéguette, Pietre? Ouais. Eh ben, je te coupe aussi. 3, 4. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Toi, tu vas sortir aussi. Je vais sortir plein de gens. Rallume les micros de tout le monde. Bon anniversaire, Lise. Merci. Est-ce que tu es prête pour jouer? Peut-être que pour ton anniversaire, je vais t'offrir la possibilité d'aller faire un tour au parc Astérix. Tu irais avec qui? Avec maman. Avec maman, c'est bien. Comme ça, vous allez passer deux jours au parc. Manon, si tu gagnes, tu vas avec qui? Avec ma meilleure amie. C'est très bien, ça. Comment elle s'appelle? Estelle. D'accord, je suis en train de chercher le jeu, hein, mais je ne le trouve pas. Mais tu l'as pas. Ça y est, il est là. Aujourd'hui, puisque nous jouons avec les peurs, nous allons jouer avec la tyrophobie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la tyrophobie? La tyrophobie, peur de ça a un rapport avec la thyroïde. Tirer, non. Ouais, ah oui, c'est ça, la thyroïde, bien sûr. Non, c'est la phobie des fromages qui puent. Ah, rien de la tyrophobie. Mais où est-ce qu'ils vont chercher les noms à chaque fois? C'est n'importe quoi. Il doit y avoir Tyro-Tyrol, un fromage du Tyrol, et un mec tyrolien qui est mort en puissant un fromage. Vous demandez au médecin dans le public. Je ne sais pas, oui, pas dans la merde. Bon, en attendant... Nous allons faire jouer. C'était qui lundi? C'était, alors attends, Julie et Estouf. Estouf. Hier, c'était qui? Alors attends, ça a changé. Ouais, ça a changé. Estouf et Julie. Ouais, c'était Estouf et Julie, rien à voir. Alors ce soir, c'est Julie contre Estouf. Ah bah voilà, là ça c'est bien, ça change. Bah, alors c'est nul parce que moi j'adore le fromage. Donc c'est censé être une peur. Le but du jeu, le premier qui le mange en entier a gagné. Lise, puisque c'est ton anniversaire, c'est toi qui décides, d'après toi, qui va gagner? Julie ou Estouf? Qui pue, par contre, je viens de manger un burger. Hein? C'est qui? Attends, redis les prénoms, s'il te plaît. Julie. Tu connais Julie? Oui. Estouf. Laquelle des deux va manger son fromage en premier? Julie. D'accord, je note. Donc Manon, t'es obligée de dire Estouf. Mais si j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Julie. Ouais. Tu veux faire gagner la petite Lise, faut que tu le manges en entier. Mais bon. Parce que je vais vous dire un truc. Moi j'adore le fromage. Je vais vous dire un truc sur le camembert. Oh, il fouette. Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'une fois que t'en as pris trois bouchées, tu peux plus le bouffer. Est-ce qu'on peut le couper? Non. Ça ne changera rien. Que tu croques dedans comme une pomme ou que tu le coupes, ça sera toujours la même quantité de fromage. Ouais, mais ce sera plus facile à avaler. Non, crois-moi, ça va être une tannée. Allez, les mettre en corbeau. 3, 2, 1, c'est parti. Lise, Manon, vous pouvez. Allez-y, vous pouvez les. Allez, je pense que ça va être long en fait. Ça va être très long. Elle sent pain, c'est dégueu en vrai. Parce que le problème, c'est que si tu gaffes ta bouche, tu fais. T'en as mis plein ta bouche, mais tu peux plus avaler. Oh, tu peux plus avaler. Faut gober, faut pas mâcher. Voilà, gober du camembert. Va gober un camembert, toi. Qui c'est qui dit ça? Manon, t'as déjà gobé du camembert, toi? Ouais, nous dans la famille, le camembert, on les mange pas, on les gobe. On prend la baguette. Allez, la petite Lise, c'est son anniversaire. Vous allez bien puer de la gueule après en plus. Il y a combien de calories là-dedans? Vous allez faire des caca président, ça va être joli. Hein. Ça va faire... Ah non, ça va être beau, c'est moi qui vous le dis. Allez, vas-y. J'ai l'impression que Julie est mieux barrée. Allez, moi dimanche. Allez, mange ça. Ah, pour l'instant, Julie est pas mal avancée. Ah, premier haut de cœur. Premier haut de cœur pour... Non, Stouff, tu vas pas vomir le fromage. Ça faut pas, je la vois, parce que... Ça me donne mal au bide. Là, faut aimer le fromage. Là, là, là, si vous gagnez, vous me faites le concours du national du truc de fromage du monde. Ah. Non, c'est un faux, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'as deux doigts de vomir? Ouais, mais je peux pas vomir. Si quelqu'un a un truc pour que comprenne ce qu'elle dit, parce que... Qu'est-ce que tu dis, Julie? Si j'entends vomir Stouff, ça va vomir. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, prochaine bouchée. Ah, je suis pas mal, non? Julie, elle en est à la moitié. Stouff, Stouff, vas-y. Je peux pas, c'est dégueulasse. Mais c'est Julie qui a bien lancé. Julie, elle a presque fini. Julie, tu peux faire gagner la petite Lise. 12 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui si tu gagnes. Je pourrais pas manger en entier, les gars. Allez, vas-y, mange. Et après? Ah non. Tu fais de la gueule, t'auras pas de bisous. T'as fait le plus gros, Julie, t'as fait le plus gros. C'est ouf, concentre-toi. Allez, allez. Allez, elle bug là. Là, il y a un bug là. Vous avez pas mis la mise à jour en place? Qu'est-ce qui se passe? Julie, elle a fait les deux tiers. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Stouff? À moitié. Stouff, quel est le problème? Stouff. Oh là là. Je peux pas. Pense à la bouillabaisse. Le cassoulet. Stouff, fais un effort. Pense à la petite. Oh là là là là là là. Arrête, faut pas. Je pense que c'est Julie qui est bien avancée. Donne-moi encore 2-3 bouchées et tu y es. Lise? Oui. C'est bien parti pour que ce soit toi, ma chérie. Encourage Julie, vas-y. Allez, Julie, s'il te plaît. Ah, elle pleure. Allez, grosse bouchée, rattrape-la. Dis-lui que tu mérites d'y aller. Dis-lui que tu mérites d'aller au parc Astérix. Vas-y, Lise, explique-lui. Elle est stouffée, elle est revenue dans la course. L'année dernière, j'étais la meilleure en français. S'il te plaît. Oh, bah oui, c'est la meilleure en français. Elle mérite d'aller chez Gaulois. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Stouff? On va la perdre. Manon, je te fais un état de ce qui se passe en direct. C'est pas gagné pour l'instant. Ouais, mais regarde. Notre bouchée, Stouff, notre bouchée. Julie reprend le devant. Julie reprend le devant. Elles vont le finir, le fromage. Elles vont le finir. Moi, je rends pas l'antenne tant qu'on n'a pas fini le fromage. Ah, je suis désolé, là, c'est un flash spécial. Hein. Il y a combien de calories ça en va? Mais rien, c'est cadeau, il y a rien. 4. 4 calories, c'est 4 comme 4 000, je sais plus. Ils ont dit. Allez, on mange de fromage. On mange de fromage. Mais regarde, tout fait bien. Égalité, là. Allez, c'est égalité, là. Elle n'a pas avalé. Elle n'a pas avalé. Un très gros plan sur Snap. Suivez-moi sur Co-Snap, Co-Off. Voilà, suivez-moi, je suis en train de vous le mettre en live. Koyov sur Snapchat. Julie, la prochaine, c'est la bonne. Ma petite Lise, ma petite Lise. Oui. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Je te le dis. Lise. Oh, les bruits que tu fais, toi. Lise, dans un instant. Julie, si tu vas faire gagner Lise, arrête. Tu peux pas faire gagner Stouff, enfin. Mais Julie, en plus, quand j'étais petite, j'ai pris des photos avec toi. Elle a pris des photos avec toi quand t'étais petite. Voilà, dis-lui, dis-lui qu'elle était belle et qu'elle avait pas besoin de Photoshop. Flatte-la, flatte-la. Non, elle sait pas mentir, elle sait pas mentir. Oh là là là là. Stouff est passé devant. Arrête. Allez, Stouff. Allez, 12 ans, Julie, tu joues pour la petite de 12 ans. Julie, tu joues. Ah oui. Oui. Tu vas mettre tout dans la bouche. Allez, la première qui finit la bouche. Non, non, pas peur de Stouff là. Tout mis dans la bouche, attention. Alors, un camembert qui ressort par la bouche, c'est horrible. Stouff, tu as perdu. Ouais. Ça veut donc dire, Lise. Ah, j'en ai parti. Direction le parc Astérix. Chérie, tu seras avec nous dans quelques semaines au parc Astérix avec maman, tu y seras deux jours. T'auras la totale, t'auras l'hébergement, tu feras le parc avec nous, d'accord? Merci beaucoup. T'es contente? Oui. Tu peux dire à ta famille de reparler, c'est bon maintenant, la pause est finie, vous pouvez oui, y aller. C'est bon. Je vous embrasse fort, gros bisous, continuez de vous inscrire, coeatenergie.com, on rejouera demain, Claudio Capéo sur Énergie. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Un site de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour Bakary, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Non, je me calme pas. Je me calme pas. Découvrir Nadania, quoi les doux. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. En public comme tous les soirs sur Énergie. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on a mis Lou, qui était l'auditrice hier, est-ce qu'on l'a mis sur YouTube? Oui, bien sûr. Alors, allez voir cette vidéo. Je vous ai mis, il y a deux vidéos d'hier à voir avec Maître Gims. Il y en a trois, mais vraiment deux. Gims et la Ferrari. Oui. Et Gims et l'auditrice Lou. On est mort de rire tellement c'est incroyable. Allez la voir la vidéo, on va vous la refaire sur le Facebook. Dès qu'on aura retrouvé Guiguette, il est où? Il est aux toilettes. Guiguette est pas bien. Il a mal au ventre. On est d'accord aussi. Que c'est vous qui bouffez le fromage et c'est lui qui a mal au ventre. Ouais, c'est par procuration qu'il est malade en fait. Enfin, moi je suis pas bien, mais je me tiens. Mais je crois qu'on a perdu Steph. Hein. On a perdu Steph aussi. Ils sont aux toilettes ensemble. Oh, non, j'y crois pas une seconde. Oh. Non. Ouh, Madame Guiguette. Oui, enfin, il y a un moment donné, je suis un malentendu. Ouais, un blou-blou. Ouh, la stouffe, attention. Mais blou-blou, t'es pas trompé. Bien sûr que non. Non. Bonne question d'ailleurs. C'est pas dans les 7 péchés capitaux, non, blou-blouté. Non, non, non, non. Ah bon? Non, il y a la varice, le machin, mais le blou-bloutage n'est pas dedans. Non. Je suis désolé. Sandrine, 41 ans, bonjour ma chérie, bienvenue pour le super jeu. C'est plus du retard. Bonsoir, Sébastien. C'est du super retard. Oui, là, on est très en retard. Bon, j'ai eu un droit, bonsoir Sébastien. Bonsoir Sandrine. Rebonsoir Sébastien. Rebonsoir Sandrine. Ça peut durer longtemps. Oui, je sais. Bon, à qui on va faire le super jeu, Sandrine? À Christophe. Qui est Christophe? Qui est un de mes meilleurs amis, mon plus vieux ami en fait. D'accord, très bien. Tout va bien entre vous? Tu m'as dit, il est routier, il est très nerveux. Il est très très nerveux, il s'engraine pour pas grand chose en fait, il monte au créneau, il est vulgaire en fait, mais tout le temps, même quand il est pas énervé, il est gros mots. Alors, il paraît qu'il ne supporte pas Sébastien, qui est ton ex, qui est un véritable connard. En fait, il l'a jamais vu, mais mon ex m'a trompé plein de fois avec des amis à moi, et du coup, j'ai pas mal déprimé, et Christophe ne peut pas la sentir. Si jamais il sait que j'ai repris contact avec, okay, ça va pas passer. Si en plus tu lui dis que tu pars s'installer chez lui, ça va être pire que tout. Oui. Et si tu critiques Marina, qui est son ex à elle, qui a été une vraie pute avec lui. Il va partir en live. C'est bien. Et j'espère que ça va très bien se passer. Ça fait des bons petits sujets, là. Ça peut être très, très bien. Première phrase que tu vas lui dire, je me suis remise avec Sébastien. Deuxième phrase, je vais habiter chez lui, il faudra que tu m'aides pour le déménagement. Pas mal, ça. Ouais. Troisième phrase, oh, il est pas pire que ta pute de Marina. Oh, il est beau, celui-là. J'ai plus confiance en Sébastien qu'en toi. Ça peut l'énerver fort. Ça va pas. Et la dernière, t'as toujours été faux cul avec moi, je suis sûr que t'es frustré parce que tu veux coucher avec moi. Elle est un peu longue. Alors là, j'ai peur de ce qui va répondre. Bah, c'est le but, hein. Imagine, il dit oui. On le fait tout de suite, Julie ? Oui, tout de suite. Allez, on appelle. Allez, on appelle Christophe, 41 ans. C'est parti, sois bonne. Je compte sur toi. À la fin, je serai Sébastien de loin. Ça va. De très loin. De loin. Ah oui. Oui, alors. Allô, Chris ? Ouais. Sandrine ? Ouais, pourquoi tu avais l'en privé, toi ? Ouais, parce que j'ai répondu à des petits. J'ai appelé pour des petites annonces cet après-midi et du coup, j'avais mis mon téléphone en masqué et je ne l'ai pas remis en normal. Ouais. Ça a été mort, enfin bref. Ouais, comment tu vas ? Bon, écoute, on fait aller tranquillement, gentiment. Ouais, c'est le boulot ? Ah, bah, toujours en vacances. Ouais, ben, tu ne devais pas passer pendant tes vacances ? Pas eu le temps. Ouais, t'as jamais le temps pour moi, mais bon, c'est pas grave. Hein? T'as jamais le temps pour moi, mais bon, c'est pas grave. Je t'appelais pour t'annoncer deux, trois petits trucs. Puis voilà, ouais. Une bonne nouvelle. Ouais, bah, vas-y. En fait, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc je suis très très heureux. Ouais, c'est cool. Ben ouais, c'est cool. Je me suis remise avec Sébastien. Avec Sébastien, ton mec, là ? Ouais, celui de Bussy. Hein ? Celui de Bussy. Et elle est où, la bonne nouvelle, là ? Ben, c'est que, voilà, on s'est recroisés, et enfin, il est venu quelques jours à la maison pour les vacances, comme ça, Et puis on est venu comme ça, quelques jours. Ouais, non, ouais. Il m'a recontacté par Facebook il y a quelques semaines, et puis il m'a proposé de descendre quelques jours en vacances, et puis voilà, on a eu du mal à se séparer, donc voilà, je vais me réinstaller avec lui, donc je vais remonter sur Bussy, et justement... Ouais, tu vas faire quoi ? Ben, je vais me réinstaller avec lui, donc j'aurais aimé que tu m'aides pour le déménagement. Attends. Tu vas te réinstaller avec lui et il faut que je t'aide pour le déménagement. Ah ben ouais, ce serait cool. Et là tu me dis ça comme ça, tranquille, j'ai rien raté, t'as va, tout va bien. T'es sérieuse ? Ben ouais. T'as pas compris, toi ? Ben, je pensais que ça te ferait plaisir de savoir que quelqu'un m'a dit aussi bien. Hein ? Tu veux que ça me fasse plaisir ? Attends, il t'a trompé avec tout ce qui bouge. Et toi, tu retournes. Putain, quand on dit qu'une femme c'est conne, ouais. Mais putain, c'est pas un mythe, hein. T'en déconnes. Bah, mais oui. Toi, t'es conne comme t'en peux plus, quoi. Bah non, mais il est pas pire que ta pute d'ex, hein. De quoi ? Il est pas pire que ton ex, hein. De quoi ? De tu viens mettre mon ex là-dedans ? Et je vois pas où il y a le rapport entre ton connard et mon ex. Il est où le rapport ? Bah, il rapport. Déjà mon ex, voilà, déjà mon ex. L'erreur, non, mais attends, c'est pas une erreur qu'il a fait, lui. Il a enfilé tout ce qui bougeait. Elle est où l'erreur ? Moi, mon ex, ça m'a jamais trompé, je te rappelle. Entre guillemets. Ouais, mais bon, j'ai plus confiance en Sébastien qu'en toi quand même. Attends, t'as plus confiance en lui qu'en moi ? Ouais. Tu me rappelles là, vite fait, là, qui fait qu'il t'a rattrapé, qui fait qu'il t'a remonté le moral quand t'as appris toutes les aventures qu'il avait ? Ouais, rappelle-moi vite fait, là. Ouais, mais c'est vieux tout ça, enfin c'est bon, tout le monde a le droit à une deuxième chance, hein, tu crois pas ? Mais y a pas de deuxième chance qui tienne, mais t'es sérieuse toi ? Bah ouais. Bah ouais, Kenny. Il a niqué tout ce qui bouge, tu passes plus sous les portes et toi tu y retournes comme ça. Et en plus, faut que ça va déménager. Mais toi, t'as toujours été focus avec moi, enfin je suis sûre en fait t'es frustrée parce que tu veux coucher avec moi et que t'es jamais fait. je suis frustré parce que je veux coucher avec toi. Bah alors déjà frustré, le mot là je le connais pas. Hein, puis avec toutes les avances que tu m'as faites, si j'avais voulu te sauter, ça serait belle durée que ce serait fait. Et puis bon, ça va, je suis pas à l'agonie non plus, hein, tout va bien, hein, rassure-toi. Hein. Non, mais je vois bien, mais quand tu me regardes, quand même, ben voilà, je te laisse pas indifférent quand même. De quoi? Je te laisse pas indifférent, je vois bien les regards que tu me lances quand on te voit. Ça, c'est dans ta tête. Hein. Ça, c'est dans ta tête que tu me laisses pas indifférent, ça va, tout va bien. Hein. Ça fait 35 piges qu'on te connaît, si j'avais voulu te sauter, ça serait fait, hein, rassure-toi. Ouais, t'as envie de mon cul en fait, c'est ça. Hein. De quoi? T'as envie de mon cul en fait. Eh hey, mais t'es drogué ou quoi? Bon, je peux compter sur toi pour le déménagement? Eh, hey, tu as demandé pour le déménagement? Mais bien sûr que non, tu peux pas compter sur moi pour le déménagement. Tu m'as pris pour tu loupes ou quoi? Tu as demandé pour le déménagement ou pas? Pourquoi? Mais il est avec toi en plus là, le pancard. Tu as demandé à ce connard qui nous file un coup de main? Mais t'es où là? Ben, je suis en bas, je suis à la maison, mais il est descendu pour quelques jours, hein, parce que justement, je voulais voir pour faire le carton. Et Dizzy pour le déménagement. Vas-y, mais Dizzy qui ferme sa gueule déjà, le baltringue, là. Je veux pas l'entendre. Non, mais il parle pas comme ça. De quoi il parle pas comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, ferme ta gueule. De mon merde. Non, c'est pas pour le déménagement, t'as craqué, toi. Voilà, il démerde comme il veut, il bouge son gros cul pour nous aider, d'accord? Ben, t'as qu'à bouger ton gros cul pour la déménager, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Putain, en plus il est con comme il en peut plus, quoi. Mais grave, quoi. Il dit quoi? Non, mais parle pas comme ça, Bim. Il dit quoi? Mais je parle comme je veux, de qui il veut. Il veut pas nous aider pour le ménage. Quel connard! J'ai toujours dit qu'il voulait te sauter, c'est un jaloux, c'est tout. Ouais, mais il dit non. Connard. Ouais, je suis un connard, putain, toi. Attends, c'est bon. Enfin, bref. Et du coup, donc là, tu fais quoi? Tu pars quand? Tu ta connerie, là, tu vas la faire jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, mais dis-le qui t'aise, là, le gros con, là. Non, bah, c'est pas une connerie, je suis amoureuse. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est bien ce que je dis, c'est une connerie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une connerie, mais on va faire ça. Vas-y, dis-lui de se taire, gros con. Dis-lui de se taire, parce que les cartons, je vais venir les faire, mais ça va être lui qui va être dans les cartons. Qu'est-ce qu'il dit? Mais non, il veut te mettre dans les cartons. Ah, il a dit oui ou pas? Non, j'ai dit non, gros PD, bah, tu m'as pris pour qui l'auto, toi aussi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais il a que deux mots vocabulaire. Ah mais t'énerves pas Christophe, t'as rien de méchant là, je te demandais juste un coup de main quoi. Mais un coup de main, mais vous, c'est quoi, la main il va se la prendre dans ta gueule? Qu'est-ce qu'il dit? Franchement, elles sont déconnées, il est autiste ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il a rien à dire. Il entend pas ce que tu me dis. Il entend pas, bah s'il entend pas, il ferme ta gueule alors. Qu'est-ce qu'il dit? Là. Je t'entends pas, j'ai pas de haut-parleur, qu'est-ce qu'il dit? La bonne haut-parleur, mais sans déconner. Putain, et toi, tu les connexionnes les trimars, hein, sans déconner. Hein. Non, mais il est bien, parce que je connais pas. Rassure-toi, je veux pas le connaître. Très clairement. Qu'est-ce qu'il dit? Tu l'as revu, t'as plus de Dex, toi. Non? De quoi? Tu l'as revu, t'as plus de Dex, toi. Ouais. T'as rien dit? Ah oui, t'as plus de Dex. Ça, il l'a revu, hein. Mais qu'est-ce qu'il parle, lui, là? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ferme ta gueule, toi, va apprendre à t'occuper d'une femme, après tu parles avec moi. Non, mais lui parle pas mal comme ça. Mais je parle comme je veux, t'es qui, toi, pour me parler comme ça là? Tu as descendu d'un étage, déjà, rapidement. Et alors, mais là, pour l'instant, là, tu commences à me gonfler, là. D'accord? Alors, toi aussi, tu fermes ta gueule. Tu vas réfléchir à ce que tu fais, là. Ouais, mais ça pue. Parce que tu vois, ça fait 15 jours, 3 semaines que j'y pense, et voilà, je me lance. Ouais, vas-y, ton bien, copain. Sa pute, elle est vieux le gérard. Ta gueule, toi, mais ma pute, elle t'emmerde. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas réfléchir un peu plus, d'accord? Et puis, pense bien que si tu te ramasses encore une fois la gueule, c'est pas la peine de compter sur moi une deuxième fois, je te le dis tout de suite. Mais sinon, pour déménagement, je peux compter sur toi quand même? Je vais. Comment faut que je te dise non? Faut que je te le chante ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit non, y a pas moyen. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il veut pas nous aider pour déménagement. Oh le connard. Ouais, oh putain. Attends, je suis venu avec des amis. Hein, les gars, 3, 4. Attends, bouge pas, je commence à trembler vite fait là. Hein, et puis, on va voir ce qui se passe. C'est bon, je suis libre. Ouais, mais viens, mais si je vais changer d'avis, je vais venir faire ton déménagement. Il sera là, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, il sera là, oui.

Loco est sur Énergie, frère. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Choisi, j'espère que ça va chez vous à la maison, vous êtes en pleine forme. Tout à l'heure, vous allez kiffer Kungs qui sera notre invité. On lui fera ça, c'est promis. Kungs sera là tout à l'heure. Demain, n'oubliez pas, il y aura Amir qui sera là. Vous avez aimé le titre avec Sac Noël et Sean Paul? Ouais. Allez, ah, t'as même pas écouté. Si, c'est Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge. C'est Ponge. Ouais. T'as qu'à dire ponge, ouais. Ça marche, écoute. Merde. Non, c'est pas là. Voilà. Ponge. Ah, c'est ça qu'il va dire. Boblé. Ponge. Voilà, bienvenue, on a mis bon mariage, vos soirées. Il suffit de dire ponge chez vous à la maison, attention. C'est bon, on a fini, Vanessa. C'est bon, on va arrêter n'importe de rigoler. Quoi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. Tu veux le refaire? Ouais. Ça te fait plaisir? J'adore. Bon, bah, ça te fait plaisir, je le refais. T'es un peu mon Mathieu Delormeau chez Cyril, quoi, en fait. Un peu. Un peu. Je ne répondrai pas. Bobble, bobble. Ponge. J'adore. Bobble, bobble. Ponge. Ça y est, voilà. On a fini de rigoler maintenant. Anthony, on lui fait un bisou. Comment ça va, Anthony? Salut Coé. Salut Anthony. Ah, va bien? Oui, ça va très bien. Moi aussi, ah, va bien, va bien, va bien. Salut Coé, comment ça va? Il faut qu'on discute d'un truc. Ma nouvelle meuf stresse car quand on... Bonsoir, quelle heure? Il est 21h33, je pense que je peux. Ma nouvelle meuf stresse car quand je jouis, je fais pas de bruit. Elle trouve pas ça normal. Ah oui. Bah, il y a eu une réaction dans le chat. Qui a fait du bruit là? Ou qui a joui? Bah, c'est vrai que à l'inverse, quand ça fait trop de bruit, moi il m'était arrivé dans ma vie de tomber sur des nanas. Ouais. Quand c'est très bruyant, ouais. C'est très gênant. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est flatteur. Un peu. Ah ouais, bah, enfin le côté. Wow. T'as envie de dire crie mon nom, dis que c'est là, moi. C'est l'inverse. Dis l'étage, crie mon adresse. Oui. Toi, pas du tout, toi, c'est Jean. Bah, moi, c'est bah, maman. Elle, c'est lui, stress, c'est lui. C'est lui qui c'est fait pas de bruit. C'est lui qui fait pas de bruit. Mais genre, même pas de. Bah, pour moi, c'est. Non, bah, pour moi, c'est normal. Moi, avec toutes mes autres meufs que j'ai eues avant, il n'y a eu aucun. Elles m'ont jamais fait de reproche. Elle m'a dit que les mecs qu'elle avait eu avant et tout, ils faisaient au moins à la fin quand ça sortait, quoi. Moi, elle me disait, voilà, tous les mecs, ils prenaient du plaisir et on l'entendait. Elle mais genre, j'ai l'impression que tu prends pas de plaisir. Refais-nous, s'il te plaît, et là je demande quelque chose de scientifique, refais-nous, s'il te plaît, le bruit que tu fais au moment du coït. Vas-y. Et justement, j'en fais pas. Bah, tu fais bien un petit truc quand même. Il fait. Aïe. Bah, tu gardes tout pour ça, toi. Le mec, il fait bah, le bruit. Ouais. Alors, je vais te faire une simulation. Pas du tout de bruit. Est-ce que ça ressemble à. Non, est-ce pas. Que ça ressemble à. Ça, c'est les toilettes. Attends, est-ce que ça. Non. Ah non, aux toilettes, c'est. Toilette, c'est fermé. Là, c'est sorti vers l'extérieur. C'est. Ah, c'est ou est-ce que c'est. Ou est-ce que c'est. Il est léger, c'est le dernier. Ça, il est vraiment ça. Léger. Eh ben, on serait plus vers le dernier, hein. Vraiment léger. Mais c'est pas, pour moi, c'est normal. Ça veut pas dire que je prends pas de plaisir et c'est juste ça que je voulais savoir. Moi, je fais pas, beaucoup de bruit. Hein, non, mais moi, plus, c'est comme une sensation forte. T'es obligé qu'est-ce de sortir un son. Moi, j'aime bien entendre le. Le. Je sais pas. Le. C'est bon, c'est quoi. Mais non, mais le mec qui fait des. Mais qu'est-ce qu'il fait des. Mais non, mais quand il fait des. Quand il tape. Mais là, c'est à la fin, c'est pas à la fin. T'as le droit de le taper, c'est à la fin. Ouais, mais il fait pas de bruit tout le temps aussi, non? Bah, si, bah, il peut taper et ça fait du bruit, mais n'empêche que. Non, mais pas le bruit du. Non, mais même pendant, Julie, elle pendant dit. Pendant. Non, c'est vrai que lui, à l'occasion, t'imagines, il fait du bruit pendant, mais pas à la fin. Ouais. Oh ah ah. Non mais j'imagine s'il en fait pas à la fin, il en fait blocage. Pas pendant. Je t'aime. C'est drôle. C'est bizarre. Allons prendre une douche, chérie. Hein, c'est vrai que c'est bizarre de pas faire de bruit du tout. Mais tu nous as pas fait le bruit que tu fais. Non mais je comprends par contre ta meuf s'il en parce fait que quand tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose à la fin et si t'as pas de bruit c'est chelou non. Ça doit être feu bizarre. Ah oh, vas-y fais-nous le bruit que tu fais à la fin. Allez vas-y essaie de fermer les yeux. Mais il en fait pas. Mais il en fait pas. Le plus proche de ce que tu fais. Parviens où. Bah, le plus proche, c'est, voilà, c'est ce qu'on avait. Vas-y, fais-le. C'est le troisième Vas-y. Que tu m'as fait tout à l'heure. Là, fais-le. C'est toi qui es dans ton lit, c'est pas moi. Hein. Vas-y, fais-le. Mais c'est plus un respirement qu'un bruit, quoi. Ça fait du. Et puis voilà, c'est un petit. Ah ouais, effectivement, voilà, tu fais. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Léger quand même. Ah bah, c'est léger, mais pour moi, enfin, je sais pas, je trouve ça normal. Et puis, mais tu vois. Et puis, puis voilà, elle me dit que c'est. Elle mais me c'est dit pas que très que logique avant, en soi. Parce que c'est comme être un truc qui traverse ton corps et t'as, normalement t'as besoin d'explorer un truc, de dire quelque chose quoi. De... Piette, quel bruit tu fais? Je l'ai crié tout à l'heure. Non, non mais franchement, à quoi ça ressemble le plus? Non, je sais pas, ouais, c'est. Ouais, voilà. Parce que nous, des fois, le mec, on fait le bruit, ouais. Mais tu sais, le bruit, et on est très sensible de cet endroit-là. Et vous, des fois, les filles, vous avez pas compris, vous jouez encore un peu avec. Ah ouais, non, il faut pas ça. Tu vois, et nous, on est là, on fait. Attends. Avec le vieux spasme. Mais oui, parce qu'on est là, on fait. Oui, parce que c'est tout sensible à la fin, faut pas toucher. Hein. Ouais, c'est sensible, ouais. Attends, à la fin. Et toi, tu fais comment alors? Tu fais comme ça? Moi, je suis vraiment pas bruyant, moi. Tu, non plus, tu fais le. Oh ouais, mais tu au fais max. Quelque chose quand même. Au max, ah, t'es au max là. Je suis au max. C'est max. Beaucoup ça déjà. Guéguette, ça ressemble. C'est un soulagement ça. Le mec qui reste classe. Ouais. Et comment tu t'appelles déjà? Oh, putain, mon appli Uber elle marche pas. Ah, et Mika, il a pas le temps de le faire. Mika, c'est un trop tard. Il est pas là? Non, il est pas là. Ah, ah. Merde. Mais qui s'y fout là-bas? Toujours de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fout? T'as compris que le standard il est là ou il faut qu'on oui, avec le plan? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait que toi, quel bruit comment tu fais? Comment tu fais? Bah, comme dit Julie, j'ai pas le temps. Oh merde, une tâche encore. Ah, mais en vrai? Non, franchement, non, pas de bruit en général. Oh si, tu fais du bruit. Oh, non. On t'entend du bruit. Ouais, mais c'est les fessées, c'est quand ça claque. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? C'est quand ça claque. Bon, on l'a cramé une ou deux fois, Mika. En train de faire du bruit de ouf. Et alors? Mais vous êtes des salauds, ils me font boire et après ils s'étonnent. Ouais, mais je sais plus s'ils jouissaient ou s'ils vomissaient sur la fin. C'est ça. C'était bruyant. Mais ah ouais, ah ouais, ouais quand tu vomis toujours. Hein. Mais bruyant alors. Comment? La deuxième fois, moi. Laquelle deuxième fois? À la montagne. Ah oui. Ah oui, ah, putain, oui. J'avais oublié. Et Anthony non mais il s'est endormi à la montagne. Il avait pas fini, non, s'est endormi. Non, c'est une blague. À la montagne. Il s'est endormi. Oui, il s'est endormi et il est tombé du coup du lit. Non, c'est la meuf qui est tombée du lit. Là, il a cassé l'armoire. Ah oui, il a cassé l'armoire, elle est tombée mais sur lui. Excusez-moi, vous faites l'amour. C'est quoi ce truc? En fait, ouais, la porte de l'armoire, elle m'est tombée dessus. Non, mais vraiment, vraiment. Donc vous faites peur. Bon. Et on a applaudi. C'est bon, Julie, c'est bon. Anthony, c'est pas très grave. Oui. Ben non, je sais que c'est pas très grave, mais celle qui se pose des questions et tout, donc voilà, je voulais. Moi, non. Bah écoute, demandons aux filles de l'équipe, Stouf. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Bof. Bah quoi, Stouf, elle prend, elle s'en fout. Non, c'est pas normal, non. Toi, il faut du bruit. Il y a au moins un petit. Au moins. Faut au moins ce bruit-là. Là, tu. Là, Stouf. Tu jouis des poules. Imagine, tu as fait ça. Bon, allez, on te fait un gros bisou, Anthony, c'est pas grave. Si c'est grave. Non, si. Mais c'est pas grave. Bah écoute, il va quand même pas. Il faut qu'il y ait un peu de bruit. Après, c'est horrible les mecs qui hurlent aussi. Hey, vous mais pas en entre deux. Vous voulez pas créer l'orgasme, l'appli orgasme. Genre, tu sais, tu prends une. Ah, au moment, au moment où ça vient, tu programmes, t'appuies sur un bouton et t'entends. Oh yeah. N'importe quoi. Oh oui. Avec Siri, tu sais. Oh, c'est trop bon. Oh oui. Oh yes. Ah, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Bon, je te fais un gros bisou, mon pote. Ok, ça marche, bonne soirée. Bisous à tous. À bientôt, porte-toi bien. J'espère que tout va de votre côté à vous et que vous êtes en pleine forme. Voici LP, elle était notre invitée il y a quelques jours. Il y a la vidéo et tout, si vous voulez voir la tête qu'elle a et surtout entendre la voix. Oui, Guéguette. Il reste 20 minutes et 500 likes, il faut y aller. Ah, ça va. À 8000. Ouais, Julie, elle a pas envie. Non. À 8000, ça se passe chez moi. Ouais. À 8, on vous n'êtes pas obligé de faire les 500. Non, minutes, on n'est pas obligé. Non, pas obligé. LP pas. Sur Énergie. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. I'll never get to heaven 'cause I don't the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Ouais. Mais dans une carrosserie de kangou. Ouais. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que d'un moment à l'autre, vous allez entendre celui qui sera notre invité. Il y aura Kungs qui sera là. I'm gonna wreck you, ce petit jeune, hein. Kung sera notre invité. On aura vendredi Evangeline, si vous ne connaissez pas, c'est une tuerie. Et demain, notre invité, on se fera une heure avec Amir. Martin Garrix va venir nous voir dans quelques jours. C'est une tuerie, Martin Garrix aussi. Ouais, ma femme, il y a Kim V qui vient dans quelques jours aussi. Ça va faire plaisir de la voir. On dirait la dinde. Bon, en attendant, Julie, après l'émission, on se barre tous ensemble. Ouais. On va chez moi pour faire l'émission là, en prolongé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Je vous explique comment ça va se passer. On démarrera le YouTube Live. Là, il y aura un lien. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous recevrez le lien. Si vous n'êtes pas abonné, vous inquiétez. D'abord, c'est moche. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien. C'est caca, ouais. C'est sale. Vous ne voyez pas. Voilà, c'est pas bien. Il faut s'abonner. C'est gratuit. Ça fait zizir. C'est vrai. C'est comme ça. C'est tout. Et n'oubliez pas qu'un abonnement de fait gratuitement, une mouette sauvée sur la planète. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Et ça, c'est pas. Oui, ouais, oui, oui, oui. Et c'est pas facile. Je m'y engage. Donc, et des chatons dans des paniers qui continueront de faire des vidéos. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aura la vidéo et sur tous les autres réseaux, on vous balancera le lien, vous cliquez dessus, vous nous verrez et on répondra à vos questions. On sera chez moi. On sera à la cool. Et à la cool. Hein. Oui, à la cool. Non, je dis ça parce que je veux pas qu'on bouffe du dinde sur mon tapis et tout. À la cool. Non, mais t'as préparé le cacolac ou pas? Tu vas pas être à la cool, toi, psychopathe comme t'es là. Moi, j'ai Julie. Tu m'as pris des cacolacs. Il y a du cacolac, mais il est hors de question que tu boives du cacolac sur mon tapis. Mais pourquoi du cacolac? Pourquoi c'est... Tu renverses pas sur le tapis. Vous allez mal le boire et que quand vous allez le poser, ça va faire une trace de verre. Mais sérieux? Mais quand t'invites des amis, tu fais comment? Pas d'amis. Moi, je vais manger des chips. Restaurant. Restaurant. Des chips restaurant. Chez moi, ouais. Jamais de la vie tu mangeras des chips chez si, moi. Si, debout comme ça. Jamais de la vie. Je les jette et j'essaie de les attraper au vol. Il n'y a pas de chips chez moi, jamais de la vie tu mangeras des chips. Il n'y a pas de chips chez toi. Il n'y a pas de trucs qui font des miettes. Je te jure, en plus, ils rigolent pas. Hein. Ah, c'est vrai, parce que. Non, je suis très sérieux. C'est pas cool de chez toi alors. Comment tu vas tout à l'heure chez toi? Bah, Loris m'emmène. Nine. Non, je crois qu'il peut pas. J'en peux plus. Comment ça, t'en peux plus? Tu te démerdes. Depuis fin août, je la trimballe. Ça m'a coûté un bras. Oui, parce que madame, c'est chaque fois je te redépose chez toi, tu rigoles ou quoi? Attends, excuse-moi, est-ce que la pince, elle fait les pleins du scooter? Oui, bien sûr, loin l'idée d'elle de faire ça. Bah, ça va, t'es à côté, tu vas pas non plus. Mais t'es une putain de méga pince! Mais ça va, tu utilises son scooter tous les jours, tu fais pas le plein? Mais ça va, il m'a. Non, mais elle le prend pour son humeur. Hein. Julie, Loris, tu viens me chercher chez moi, tu me ramènes. Mais Julie, c'est pas le problème d'il est à 5 minutes. Il 5 minutes, plus 5 minutes tous les jours depuis 3 mois. Je suis jamais passé devant chez toi pour aller au boulot. Hein. C'est toi qui l'as inventé, ça. Non, mais t'es à côté, t'es à 5 minutes, la porte d'ici. J'habite dans le 17ème, t'es à Boulogne-Biancourt. Ah, elle est belle celle-là. Là, t'habites dans le 17ème, elle arrive. Ah, ouais, non, effectivement, non. Et le matin, je vais au boulot en fonction d'elle. Et la meuf, elle vient de se rendre compte qu'elle n'habite pas du tout à côté. Et personne n'habite à côté de chez elle. Mais quoi, c'est bien, c'est sympa, nos petites rentrées en scooter. J'ai la solution. Ah, tu vas passer ton permis. Ah non. Et mec, le code. Mais je l'ai jamais eu, je vais pas l'avoir. Non, mais là, je t'ai inscrit à la poste. Pour 30€, tu passes ton code. C'est vrai. Pour 30€. J'ai fait vite le calcul de combien ça me coûtait depuis un mois. Je me suis dit que 30€, je vais le payer moi-même. Et tu vas y aller tout de suite. Sérieux? Non, t'es sérieux? Ouais, non, 30€, je t'assure. Mais non. Ah non, on va te filmer et tout, on va le faire. Ah oui, c'est vrai que tu peux passer ton code à la poste maintenant. Inscris-moi. Inscris-moi. Je le fais, moi. Ah ben, on le passe ensemble, là. Je voulais passer le permis moto. Les gars, 60€, je sais pas sur moi. C'est en fonction de la déclaration de devenu, toi, c'est 180€. Non, mais non, bah, je fais avec toi. Tu fais avec moi? Allez. Ok, vas-y, tape. Bah, agrandis-toi les bras et je t'apprends. Je parie sur le fait que tous les deux vous l'aurez pas. Ouais, pareil. Et qui l'amène au code? La dernière fois que je l'ai repassé. Ah bah toi, mec, parce que lui va pas bosser. Non. Et puis elle l'aura pas tout seul. La dernière fois que j'ai repassé, mon pote, ça a été un drame. Un drame absolu. Combien t'as fait de fautes? La dernière fois que je l'ai passé? Et pas tant que ça, 8 fautes. Moi j'ai fait 6 fautes la dernière fois que je l'ai passé. Ah, c'est con ça. Mais c'était il y a 11 ans. Ah oui. Mais ça a changé. Ah, c'est encore plus dur. Ils ont rajouté des trucs depuis. Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'ailleurs? C'est une légende. Les Pokémon sur la route, faut les éviter, tout ça, c'est chaud. Ah ouais, mais ça je les sais, moi c'est bon, je les chasse, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On a le temps d'écouter un truc ou pas? Ou on balance non, la pub? Pas. Vas-y, c'est toi qui choisis. Hey, tu sais quoi? Tu décides, tu me dis ce qu'on fait. On envoie la pub. On envoie la pub parce que tout à l'heure il y a Kungs. Moi je veux qu'on prenne le temps qu'on veut, le temps qu'il faut pour que Kungs ait le temps de faire son titre et tout, d'accord? D'accord. Tout de suite alors? Non, dis tout de suite s'il te plaît. Tout de suite s'il te plaît. Monsieur Coué. Monsieur Coué. Que j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Quand l'émission va se terminer, il va me manquer. Bien sûr. Non, t'as pas. Ah, il vient pas chez toi? Tu colles, hein? Il vient pas chez toi? Tu viens pas chez moi? Oh. Ah, c'est vrai, il n'est pas invité. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Tu as bien fait de le rappeler. Il n'est pas invité. A tout de suite, on revient. Salut, c'est Jeff Panaclock. Salut, c'est Louane. Jean-Marc. Jeudi, à partir de 22h, on sera dans Guillaume Radio 2.0. Dans Guillaume? Ça va lui faire mal, non? On va peut-être le prévenir avant. Eh ben, ça promet. À jeudi, sur Énergie. Allô, Guillaume? Ouais, je t'appelle parce que faut que je te prévienne d'un truc. Arrête. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99€ par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Qui sera le prochain président des États-Unis? La voiture autonome est-elle le transport de demain? Peut-on encore rencontrer sa future femme ailleurs que sur son téléphone? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse. Et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France... Nouvelle formule. Énergie présente la Technoparade. Rendez-vous le samedi 24 septembre à Paris pour le plus grand événement électro de France. La Technoparade. Au programme, les meilleurs DJ français et internationaux du moment avec des sets house, dubstep, drum and bass, trance, techno, hardcore et électro. Plus d'infos sur technoparade.fr. La Technoparade, le 24 septembre à Paris. Un événement Énergie. It's music only. Et voilà, c'est terminé au stade 42. L'équipe de la fibre a largement dominé les débats. Quelle vitesse! Bravo la fibre free! Avec la fibre free, passez à la vitesse supérieure. Débit descendant max théorique jusqu'à 1 gigabit par seconde et débit montant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. soir. I'm gonna ride. Et passer à côté de cette chanson de Koons, elle est incroyable, elle est vachement bien. Moi j'étais fan, j'adore celle-là et j'adore celle-là aussi, je t'en cache pas. Hein. Ah, il adore. Nous on adore tous d'ailleurs. Ah, c'est vrai, hein. Tu ris, hein. Tu mets ça dans un mix, tu retournes tout. C'est vrai. T'as dû t'en rendre compte, vraiment. Ouais. Ouais, t'as dû t'en rendre compte. Pas là, sinon. Ah non, mais c'est vrai, c'est une vraie tuerie. T'as plusieurs édits de ça, de mix longs, des machins, des trucs et tout. Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Une version musette ou un bien truc que tu en envoies à ton coco. De quoi, de mix comme mais ça oui, de versions différentes. Bah ouais, j'en prépare. De Vice Girl. Si t'en as d'autres, de machins que tu m'envoies. Ouais, je t'enverrai ça. Ok. Ça, il peut le mixer dans. Mais oui, mais bien sûr. Ouais, j'en prépare une marrante, un peu plus instrumentale, avec des violons et tout, mais pas encore terminée. Oh, pas celle-là. Une autre. Comment s'appelle ce jeune homme? Raconte-moi, parce qu'il est venu avec la voix que vous entendez sur le titre que vous avez entendu tout l'été. Comment ils ont la rencontre? Je veux tout savoir. Alors, il s'appelle Jamie and Commons. Jamie and Commons. Hello, Jamie. Bonjour. Do you speak French? No. D'accord. C'est un très beau bonjour alors. Ouais, ouais. C'est bien dit. D'où il vient? Où tu l'as trouvé? Il vient de Londres. Il habite entre Londres et Los Angeles. Et on a été en studio il y a à peu près un an à Londres. Et on a fait ce morceau-là. Bah putain. Il a une voix de ouf, ouais. Il a une voix de très grave. Non mais c'est vrai, il a une très belle. Tu parles bien anglais? Oui, ça va. Vas-y, dis-lui, on trouve tous qu'il a une très belle voix. Et qu'il a une voix de bonhomme. Sexy. Everybody says that you have a beautiful voice. Thank you. Non, c'est vrai, quand il chante, c'est... C'est très sexy. Non, ben, on va se te faire dans un instant, en live, en tout cas. Bon, hey, la vie, elle a changé, là? Tout se passe bien? Ouais, tout se passe très bien. Et c'est vrai que ça a pas mal changé. Hein. Ah, le mec, il se fait une vie aux États-Unis maintenant, excusez-moi. Ah bon, carrément? Bah, attendez, 24 septembre, Washington, 29 septembre, Chicago, 30 septembre, San Francisco, 1er octobre, Scottsdale, tu peux aussi. 15 décembre, à Milwaukee. Genre à Milwaukee, hein, à mon avis, tu vas pour mixer, hein, parce que je pense que pour le tourisme à Milwaukee, il y a moyen. Ouais. C'est ouais. Ouf quand même, non? C'est bien, une petite tournée américaine. Il y a d'autres pays que tu as fait comme ça, que tu as kiffé? J'ai beaucoup fait de pays européens cet été. Là, c'est la première fois que je vais un peu plus loin. Bientôt, je vais faire l'Asie, l'Australie, mais beaucoup plus l'Europe cet été quand même. Oh, tu te mets bien. Pays européen où ça a le mieux marché? Celui que j'ai préféré, en tout cas, niveau fête, c'est Ibiza. Enfin, l'endroit que j'ai préféré dans l'Europe, c'est Ibiza, parce que je trouve que c'est un endroit incroyable. Où les gens savent faire la fête, savent s'amuser. Et puis au niveau ambiance, c'est autre chose que le Tréport, quoi. Ouais. Oui, une bonne ambiance dans le Tréport. Ah bon, c'est à l'intérieur des bars. Ah, voilà. C'est très peu à l'extérieur. Bon, et t'as fait les pays de l'Est et tout? Pareil, les pays de l'Est, c'est une tuerie. Hein. Non, pays de l'Est, j'ai pas fait. Bon, j'ai fait la Macédoine. Ouais, si, et Croatie, tout ça, tout ce qui est ex-Yougoslavie et tout, ça déboîte là-bas maintenant. Ouais, bah j'ai pas encore testé. Je te dirai plus tard. J'adore, j'ai fait ça. Ouais, c'est super. Ouais, mais je suis pas encore. Bon, et 110 millions de vues, le premier titre, hein, celui-là. Hein. 110 millions de vues. C'est lourd. C'est énorme. 300 millions de téléchargements dans le monde en. Incroyable. 110 millions de vues, j'ai quand même envie de te poser plein de questions. Est-ce que 110 millions de vues plus tard, tu dors toujours dans la chambre d'ado chez les parents? Même avant, je dormais pas dans la chambre d'ado de mes parents. J'avais un appartement tout seul. Oh putain. Mais ouais, je suis passé au niveau supérieur de mon appartement. J'ai racheté l'immeuble. Est-ce que 110 millions de vues plus tard, t'as toujours une carte bleue Cléo ou maintenant elle est gold, elle est blanche? Non, j'ai une carte bleue Electron, tu sais, les cartes. Ouais, c'est vrai, Electron. Cool. Non, c'est pas vrai. Est-ce que 110 millions de vues plus tard, c'est toi qui rince tes potes en soirée maintenant? Non, moi je suis très radin donc. C'est vrai, mais non! Non, oui, ça m'arrive de payer. Faire attention à ça, hein, parce que moi j'ai connu plein d'artistes qui étaient en mode je paye, et puis le jour où ça arrive comme tout le monde, tu vends un peu moins, bah, les copains ils comprennent pas. Hein. Bah ouais. Est-ce que 110 millions de vues plus tard, quand tes parents t'engueulent, tu leur fous un procès? Dis donc, c'est qui je suis? Oh! C'est moi! C'est moi, ouais! Non, ça se passe très bien avec mes parents, ils ont pas de raison de m'engueuler parce que je suis irréprochable avec eux. Ouais, t'as l'air sérieux. Est-ce que 110 millions de vues plus tard, t'as rappelé la petite meuf qui t'avait mis une tôle et une veste au lycée pour lui dire Non, c'est elle qui est venue. Bah oui, j'allais revenir. Non, tu l'as rejetée? Ouais. Ah, salaud! Ça, c'est un vrai truc. Est-ce que surtout 110 millions de vues plus tard, tu commences à chiner les stars américaines, type celles qui n'ont pas froid aux yeux, la Taylor Swift? J'aimerais bien, j'ai pas eu l'occasion encore, mais. Bon, c'est pas Milwaukee que tu vas le faire, hein, mais à mon avis, tout ce qui est San Francisco, dès que tu vas aller vers LA et compagnie, là, ça va arriver. Va voir, là.